Bonjour et bienvenue dans notre nouveau podcast sur la chaîne Lunexus en compagnie de Nexluad et Yenoul aux commandes vocales. Ne vous inquiétez pas, ça va être long mais ça va être bon. On va parler avec amour de ce que l'on aime, hein, mais un petit peu inspiré aussi de Love Affair, un podcast qui nous a été conseillé et autorisé par Pierre-Alain de Garrigue. On reste dans le jeu vidéo, on lui fait des petits bisous, merci à lui, et donc tranquillement, on va parler avec amour aujourd'hui de nos jeux vidéo préférés, le top 3. Chacun son tour. Nexluad, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien, et toi ? Eh bien, ça va bien, ça va bien. On a sorti les beaux micros, on a sorti les beaux casques, on a sorti nos belles voix pour ce podcast tranquille qui, pour l'instant, n'a pas de nom. On va pas... On n'a pas encore trouvé de nom à ce podcast. Et on a décidé de parler de nos trois jeux favoris, à toi et à moi. Bah oui. Alors on les aura peut-être joués aussi entre nous, peut-être qu'on ne les aura jamais touchés. Ce sera la découverte. Mais c'est des jeux assez connus. Eh bien c'est parti, on va commencer. Les femmes d'abord, donc je commence. On va commencer par un jeu qui est très très peu connu par le monde du jeu vidéo, et même les gens qui ne jouent pas, c'est... Mario Kart, Mario Kart, plus précisément 8 Deluxe, qui est sorti. Je connais pas. Tu connais pas non plus. Non, je connais non, pas. Non, tu connais pas. Ça doit être fait par un studio indé. C'est un jeu indépendant qui s'est vendu à plus de quelques millions. Oui, c'est ça, c'est plus de 8 millions. D'après Wikipédia. D'après Wikipédia, 8 millions. Mario Kart 8 Deluxe, qui est le dernier Mario Kart à être sorti. Alors, nous sommes en train d'enregistrer ce podcast. D'ailleurs, bonne année à tout le monde, hein, puisque nous sommes en début d'année 2022. Bonne année, bonne santé, oui, bien sûr. Ça fait plaisir. Et donc, on fait top 3, le podium 3, puis 2, puis 1. C'est ça, dans cet ordre-là. C'est bien ça. Mario Kart 8 Deluxe. Alors, pourquoi la version Deluxe ? Parce que je trouve qu'elle a absolument tout compris depuis le tout premier Super Mario Kart. Il est en 3D, c'est... le plus beau, le plus jouable, celui qui, je pense, a le plus de circuits, la bande-son a été remaniée comme il faut, les circuits emblématiques, en plus des opus précédents, ont été injectés dans ce Mario Kart, et ont été refaits à l'occasion, donc c'est magnifique, ça se prend super bien en main, et pour les 2-3 du fond qui ne suivent pas et qui ne savent pas ce que c'est Mario Kart c'est tout simplement... un jeu de course qui n'aurait jamais pu exister sans F-Zero d'ailleurs, hein, sur Super NES au départ. Tout à fait. Et en fait, ce sont les personnages emblématiques de Nintendo qui, sur leurs petites cartes, vont s'en mettre plein la gueule, plein la tronche, pour essayer de finir le plus tôt possible sur la ligne d'arrivée. Et la particularité, ce n'est pas que de la conduite, puisqu'il y a des gadgets et des armes qui permettent d'améliorer soit son kart momentanément, soit de pourrir la gueule aux autres. On pense notamment à la carapace bleue, la fameuse, celle qu'on peut envoyer n'importe quand, et qui arrive direct, tête chercheuse, sur le premier de la course, et qui le défonce. Eh bien, c'est le premier, d'ailleurs, il me semble que c'est le premier Mario Kart auquel on peut... esquiver de deux manières différentes cette maudite carapace bleue, et oui, que ce soit le klaxon ou un bon coup de dérapage. Donc il y a différentes façons de jouer. On peut être que sur du pilotage, on peut être vraiment que sur du maravage de tronche avec les gadgets, on peut vraiment gagner de la vitesse avec des dérapages, en marchant bien sur... enfin, en roulant sur soit les petites cases qui nous donnent les armes, soit sur les accélérateurs. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, et notamment le mode en ligne, que je ne prends pas beaucoup, parce que bon... Mais pourquoi tu le prends pas beaucoup ? Disons que la connexion à la maison, c'est un peu compliqué. Déjà, rien que pour faire le podcast... Mario Kart 8, c'est vraiment un jeu... qui est démocratique, dans le sens où tout le monde a joué à Mario Kart. Mario Kart 8 a fait encore plus, c'est-à-dire que le joueur qui est novice va trouver son compte par rapport au joueur qui est très expérimenté sur le jeu. Oui. Enfin, je ne sais pas si tu as cette sensation-là. Je pense qu'on peut jouer et prendre beaucoup de plaisir avec ce Mario Kart-là, quel que soit son niveau, et quel que soit les Mario Kart qu'on a déjà joué auparavant ou non. C'est ça qui est très très intéressant. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, tu peux être novice, ça veut dire ne pas connaître la série dès le départ, et puis être très nostalgique des circuits sortis sur Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, et les opus portables. Oui. Et ça, c'est la force de ce Mario Kart, c'est une sorte de synthèse de ce qui a été créé au niveau Mario Kart. Oui, c'est la version ultime. Hein. Vraiment, En plus, hein, parce qu'il dépasse Mario en plus. Oui, parce que là, t'as vu tous les personnages qu'il y a. Qu'on peut jouer. Après, on dépasse le kart, puisque on vient mettre aussi les motos qu'on a vues avant. Sur la version Wii, ouais. Ouais, donc le parachute. Et parachute, c'est la version 7. Il me semble, c'est le Mario Kart 7 sur 3DS. Ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai dit la version Deluxe, parce que c'est celle qui... Mario Kart 8 est sorti d'abord sur Wii U, et après Deluxe avec vraiment tout le package complet ressorti. Sur Switch, donc c'est, ça c'est la dernière. C'est ça, ouais. On peut commander Link dans une Mercedes, enfin ça va jusque là, quoi. C'était un placement de produit, fait la fameuse Mercedes. Pas très gratuit, mais enfin... Oui, voilà, c'est ça. Pas très fin non plus, on va dire. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un peu triché en choisissant ce jeu-là, parce que ça permet de retrouver tous les souvenirs qu'on a eus sur les anciens Mario Kart également, que ce soit notamment Double Dash, qui fait partie de mes préférés également, avec le double, non pas que le double dash qui permet de partir très très vite, mais d'avoir le double pilotage, c'est-à-dire deux sur la même carte. C'est pour ça que c'est aussi mon préféré Mario Kart, entre autres. Et l'héritage, il va encore plus loin, puisque on a retrouvé aussi, si je dis pas de bêtises, le coup des pièces. C'est ça, ouais. Auquel on peut rouler dessus... Et avoir soit un petit boost de vitesse, peut-être un peu plus de résistance aussi au niveau de quand on se prend un ion. Ça améliore ta vitesse plus t'en as, donc c'est de 1 à 10, et quand t'arrives à 10, t'es à la vitesse max du kart, boost mis de côté. Ouais, d'accord. Et il rejoint absolument tout le monde, tout type de joueurs, tout niveau. Et ils ont même pensé à ceux qui étaient des PGM, quoi, vraiment, parce que le mode 200cc... C'est ça, ouais. Qui, alors, pour moi, c'est trop, quoi. Ça va vraiment trop vite, parce que plus on augmente dans les centimètres cubes, plus, déjà, les bots sont plus difficiles à battre, mais plus la vitesse est grande. Mais le 200, il est vraiment très vénère. Ouais, le contrôle du véhicule est plus compliqué... Et donc, du coup, il est plus difficile de gérer certains virages qui est facile à prendre en 100cc ou en 50cc. Ouais. Il y a une partie nouveau circuit, inédit au jeu, et donc une partie avec des circuits qui reprennent, dont notamment, il y a deux routes arc-en-ciel au final. Et celui de la SNES, et il y a la celle du jeu en lui-même. Qui reprend. C'est ça, ouais. Et donc, on a 48 circuits, enfin, c'est quand même énorme. Ouais, mais énorme. Puis il y a aussi le fait que du coup c'est un Mario Kart, mais il englobe, c'est un peu le Super Smash Bros du Mario Kart. Oui, c'est... C'est-à-dire qu'il va piocher des licences, il va choper Animal Crossing, il va choper The Legend of Zelda. Tout à fait. Excitebike, F-Zero. Splatoon aussi, ouais. Aussi au niveau des personnages. Ouais, le circuit Animal Crossing est très très bien foutu, parce qu'il n'y a que 3 courses, mais ils arrivent à mettre les 4 saisons quand même. Oui, c'est vrai que dans Animal Crossing, il est très joli. Après, le circuit en lui-même est un peu... Voilà, mais il est très, très joli. Mm. Et puis, bon, personnellement, hein, F-Zero... Ah oui, F-Zero, tu aimes bien F-Zero. Blue, Mute City... ça fait du bien. Et d'un point de vue musical, c'est vrai que c'est impeccable aussi. Je tiens à faire une parenthèse. Vas-y. Pour ceux qui ne le savent pas, F-Zero, c'est ma saga de cœur. Donc, du coup, c'est pour ça que j'en parle comme ça. Oui. Parce qu'on sait bien que F-Zero, il n'y en a pas eu depuis très longtemps, donc 2003. Ah ouais. Donc, du coup, il y a ce petit jeu qui se fait sur les internets. Tu ronges ton frein, comme on dit. Sans jeu de mots, oui. Bien sûr, avec le véhicule. Oui. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que, d'un point de vue musical, donc, il y a les hommages, évidemment, comme tu disais tout à l'heure, toutes les licences qu'il y a, Zelda, F-Zero, etc. Oui, Excitebike aussi, oui. C'est vrai qu'Excitebike, oui. Très bon terrain, d'ailleurs. Ils se sont fait plaisir parce qu'ils ont, sur les nouvelles pistes, ils ont fait de nouvelles musiques, évidemment, et ils ont remixé toutes les anciennes musiques emblématiques des circuits qui sont piochés sur GameCube, sur Super NES, sur Game Boy Advance, etc. Enfin, sur les opus précédents. C'est vrai que ça envoie pas mal. Et puis en plus, c'est vraiment un côté très jazzy. Hein. C'est ce que j'aime beaucoup dans la BO de Mario Kart. Il te rajoute, entre guillemets, il te rajoute des strates qui fait que tu t'ennuies jamais, quoi. Il y a toujours... En fait, sur le dernier tour, donc c'est trois tours hein, par, en général, sauf pour le Park Baby, évidemment, où là, bah, c'est une ellipse. Donc plus on fait de tours, plus on s'en prend plein la tronche. Mais il y a, sur le dernier tour, donc le troisième tour, il y a une strate de percussion qui est rajoutée dans la musique qui fait que ça te donne envie juste après le où ça s'accélère, et ben t'as encore un peu plus de pêche qui te fout un peu de pression aussi, hein, parce que c'est ça aussi Mario Kart. Oui, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été un plus ou moins adaptatif, on va dire, par rapport à la situation. Ouais. Et la musique, souvent au troisième tour, avait une tendance à changer pour pouvoir s'adapter au stress que tu pourrais avoir de perdre la course, justement. C'est vrai. Ou de la gagner, d'ailleurs. Ou de la gagner. Hein, c'est à une peau de banane près. C'est ça, ou ne serait-ce qu'une... Une accélération, une carapace et... Ou un dérapage mal négocié et tomber dans le vide et pleurer. Et... C'est ça. Une Lady Di c'est oh mon Dieu. Et tu prends mal le tunnel, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est énorme. Il n'y a pas eu but, il y a eu poteau. Alors... Donc il y a des pistes reprises... de partout, hein. Donc, une version Wii, GameCube, DS, 3DS, comme on disait, Nintendo 64, c'est vraiment bien choisi, je trouve, que la sélection, ce n'est pas qu'une refonte de ce qui a été fait, puisque il y a à peu près moitié-moitié, il y en a pour tous les goûts, et on peut aussi personnaliser, parce qu'on parlait des personnages, mais il y a aussi les Mii qui refont leur petite apparition depuis la Wii. Qui sont customisables, d'ailleurs. Ouais. Et c'est pareil, tu peux choisir les roues, les pneus, les parachutes, t'as vraiment un élément de personnalisation qui est assez grand dans ce Mario Kart, donc on peut vraiment le faire à sa sauce de A à Z. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, en fait, c'est vraiment... Là, ici, je suis en train de revoir la liste des circuits, du coup, et c'est vrai qu'au niveau des coupes, déjà, il y a vraiment des coupes inédites, bon, ça, voilà, donc il y a vraiment la nouveauté. Ouais. Je suis en train de regarder les circuits en tout, et il y en a quand même quelques trucs. Enfin, je trouve pas forcément que les circuits inédits apportent vraiment au jeu. D'accord. Donc du coup, je suis en train de les revoir, etc. Parce que j'ai pas fait le jeu depuis un petit moment. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont assez sympathiques. Mm-hmm. J'arrive plus à retrouver. Il y avait l'aéroport Azur qui était bien avec l'avion. Ça, je trouvais véritablement très bien. Il y avait le manoir trempé. Plus de souvenirs, je dois t'avouer que je me souviens plus de ce circuit. Et après, dans les circuits rétro, ben là, c'est assez rigolo, mais les circuits rétro, je m'en rappelle quasiment de tous. Bah, étonnamment. Donc, c'est bizarre, mais bon, là, c'est là où je me rends compte que je joue plus avec le rétro gaming qu'avec les jeux de maintenant. Mais Royaume Sorbet, Prairie Meumeu, Circuit Mario sur GBA, l'autoroute Toad sur Nintendo 64. Bien sûr. Il y a pas mal de souvenirs qui reviennent de tout ça, quoi. Et puis après, il y a les circuits additionnels avec les... Et Big Blue, t'aimes bien le... Mute City ou Big Blue? Je blaguais un petit peu pour ça, mais ils ont repris comme ça. Alors, on sent que c'est un hommage pour F-Zero. Ouais. Ils ont repris le système des boosts qui est très célèbre à la série F-Zero pour le jeu Mario Kart. Ouais. Et en sachant, bon ça j'en reparlerai peut-être un jour ailleurs, mais en sachant que Mario Kart provient d'F-Zero à la base, parce qu'à la base Mario Kart, Super Mario Kart sur Super Nintendo devait être F-Zero 2, mais que pour la gestion du multijoueur qui avait été reproché dans le premier F-Zero, et... le fait qu'ils avaient du mal à gérer ça sur une immense carte, et ils ont dû tout resserrer, ils ont collé la plastique Mario sur ce jeu, et ça a créé Mario Kart. Et donc du coup, ici, voir Mario Kart rendre hommage à F-Zero, ça fait plaisir, on va pas se mentir, surtout qu'en plus, la BO des musiques d'F-Zero, donc Big Blue et Mute City, est véritablement excellente. Oui. Et puis bon, pareil pour Zelda, etc. C'est vraiment Bien sûr. Oui, l'hommage est bien appuyé, puisqu'au lieu de récupérer des pièces, on récupère des rubis. Des rubis, oui, c'est ça. C'est vraiment très très bien fait. Au niveau des circuits qui ont été créés pour ce jeu-là, j'aime bien les ruines tombes, parce qu'on navigue un peu dans un truc style Maya, Inca. Exact, je m'en souvenais plus, mais c'est vrai. Il est bien celui-là, ouais. On va à l'intérieur, on peut piocher dans l'eau. Dans l'eau, il y a les bois, ils appellent les Wildwoods, c'est où vraiment il y a des virages que l'on prend, puis après on a des sessions dans l'eau, et puis il y a toute cette jungle luxuriante qui est très sympa. Et en troisième, c'est la piste qu'ils appellent Dragon, puisque là, il y a vraiment. On part dans tous les sens, la tête à l'envers et tout. Et Juste, la route du dragon. C'est vrai que c'était vraiment une piste qui était pas mal, ça. Ouais. Métro Turbo aussi, j'ai bien aimé, moi. Ah oui, quand on. L'amour du rail. On doit éviter le métro, ouais, c'est ça. Je trouvais ça pas mal. L'amour du rail et pas que le style musical. Oui. exact. Et dans la personnalisation, c'est vraiment la version ultime de Mario Kart parce que. On peut jouer aussi avec, enfin de plusieurs façons différentes, Joy-Con. Alors après, on peut se partager un Joy-Con pour deux, pour jouer. C'est quand même la version la plus spartiate, je veux dire. Oui, puisque on peut jouer portable. Je me revois jouer dans le train à Mario Kart avec le dernier Mario Kart qui est le plus beau. Donc ça, c'est un luxe génial, quoi. Donc on peut jouer au Joy-Con, on peut jouer avec les deux Joy-Con, on peut jouer avec la manette. Classique et aussi la manette GameCube. Et ça, pour encore titiller sur la fibre nostalgique, c'est quand même très fort. Ouais. C'est vraiment très fort. Mais la Switch, on a vraiment l'impression que c'est vraiment fait pour ça, parce que même sur la Wii U, on était plus limité parce que c'était souvent les gens jouaient avec la mablette. Oui. Tandis qu'ici, on a vraiment ce côté, on peut jouer avec le Joy-Con, on peut jouer avec la manette Pro, on peut jouer avec une manette GameCube, etc. C'est vraiment un côté... En fait, comme tu disais, c'est vraiment la quintessence de Mario Kart, Mario Kart 8 Deluxe, c'est vraiment la quintessence de Mario Kart, et on le ressent parce qu'on parle beaucoup des courses, mais on n'a pas parlé aussi des arènes pour faire les batailles. Bien sûr, dans le mode multijoueur. Et qui sont aussi sympathiques, et il y avait des trucs comme ça qui sont sympas, hein, c'est des modes assez sympas. Après, on est bien d'accord que je pense que le mode Grand Prix est celui qui est joué par tout le monde. Hein. C'est le gros du jeu. C'est le gros du jeu, bien sûr. Oui. Mais c'est bien de ne pas l'avoir mis de côté, et d'avoir enrichi encore ce côté... multijoueur en arène qui est super, surtout en coop local, c'est-à-dire dans la même pièce. Je dis pas ça parce que j'ai une connexion pourrie, mais... Oui, non, mais le problème, c'est que c'est important, en fait, parce que justement, il y a le côté, maintenant, dans un monde où on joue beaucoup plus en ligne, le fait d'avoir gardé cette force qui est le multijoueur local, je trouve ça, excellent, vraiment excellent, et très très fort. Les bobombes... Enfin, il y a plein d'autres modes qui sont... Et je regarde ici sur Metacritic, il a quand même une note de 92%, alors 92% sur Switch, mine de rien. 92%, hein. Ce qui est pas dégueulasse. Hein. C'est assez fort. Mais on comprend. Et je vois, par exemple, Gamekult a donné 8 sur 10. Ouais. Qui est une des plus basses notes qui soit pour ce jeu. Mais après, 8 sur 10 pour Mario Kart 8... C'est pas déconnant. Non, mais Gamekult sont réputés pour être durs, tu vois, en plus, dans leur notation. Donc 8 sur 10, c'est vraiment très bien, quoi. Ouais. Et 18 sur 20 sur jeuxvideo.com, 10 sur 10 sur Gameblog. Ouais, le jeu fait l'unanimité. Oui, tout à fait. Toujours maintenant, alors que le tout premier Mario Kart 8, il me semble, qui était sorti autour de 2014. C'est ça, ouais. L'évolution Deluxe en 2017. 8 ans plus tard, pour le Mario Kart 8, 8 ans plus tard, ça fait toujours l'unanimité, comme tu dis. Mais il tient très bien la route. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est le cas de le dire. En 2022, il y a des rumeurs du 9. Ouais. Donc Mario Kart 9 qui risquerait. Bon, bref, c'est des rumeurs. Hein. Ouais. Mais en fait, on se demande pourquoi. Oui, mais c'est... Pourquoi pas capitaliser, je sais pas, sur des extensions, etc., plutôt que sortir un nouveau jeu, quoi. Parce que ici, j'ai vraiment du mal à voir ce qu'ils pourraient faire à nouveau. C'est assez rigolo, ça. À part d'autres circuits, c'est vrai que... Ça se vend pas mal, donc... Ou alors apporter un autre mode, parce que sur Super NES, bon, c'était le premier. Sur Mario Kart 64, les circuits étaient en 3D. Sur GameCube, là, tout était en 3D et il y avait deux joueurs sur la même carte. C'est ça, ouais. Sur Wii, il y a eu de nouveaux véhicules. Les motos qui sont apparues, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et sur Wii U, celui dont on parle depuis le début. Donc, est-ce qu'il faut apporter un nouveau truc, comme sur 3DS avec le parachute, je sais pas. Mais enfin, même le parachute, je trouve pas ça forcément. Parachute et le fait aussi de pouvoir rouler, parce que c'est aussi une des caractéristiques de ce Mario Kart, c'est aussi de rouler sous l'eau. Mais alors, je pense que le 7 le faisait aussi. Hein. Oui, oui. Mais on roulait sous l'eau et puis, du coup, planait aussi un peu plus dans les airs. J'ai pris un champi et je plane. Tu fais quoi? Je joue à Mario Kart. Ouais, mais prendre un champi à Mario Kart, c'est logique. Tout à fait. Et puis même au niveau des objets, enfin les objets, il n'y a pas de changement. Ils ont mis quoi? De toute façon, la carapace bleue reste là. Ah oui, bah si, ils ont rajouté l'Infinite, enfin le 8, où tu as... L'intégralité des objets, c'est ouais, ça. Mon best-of d'objets que tu peux balancer partout. Et ça, c'est sympa. C'est vrai qu'il y a ça, mais à côté de ça, il n'y a pas d'objets. Bon, il y a le Bilbon qu'on est plus ou moins en arrière, les champis quasi illimités... dans un certain laps de temps, ouais. Il y a carapace verte, rouge, carapace triple verte, triple rouge, banane, j'en oublie sûrement, hein, boomerang. Ça fait liste de course un peu, ouais. La plante, ouais, c'est ça, la plante piranha. Ouais, ouais. Tous les objets, en plus, ont eu plus ou moins un point fort et un point faible, mm-hmm. etc. Donc, il y a beaucoup de techniques, hein, genre mettre la carapace à l'arrière de son véhicule sans la lancer pour pouvoir se protéger d'une rouge qui pourrait nous arriver derrière. Bien sûr. Pareil pour les bananes, etc. Il y a pas mal de stratégies. Il y en a beaucoup qui ont des techniques. Il y a les passages secrets aussi dans les circuits. Enfin, le jeu est très fourni. Hein. C'est vraiment un jeu... Ah, ça. Presque parfait, en fait. Ouais. Dans les nouveaux... hormis le 8 Infinite, là, il y a donc, on disait, le klaxon. Il y a le klaxon, je vois, c'est ça. Qui permet un petit peu d'être tranquille sur la carapace bleue, notamment. Ça fait une onde de choc qui défonce tout ce qu'il y a autour. Il y a la plante piranha. La plante piranha, bien sûr, qui se met à l'avant du véhicule pour croquer ceux qui sont à proximité. Mm-hmm. Et le boomerang que j'arrive pas à me servir. Mais qui c'est qui y arrive? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y arrive? En fait, c'est pas un boomerang, c'est un cintre. Voilà, donc super jeu, super expérience. Si vous connaissez pas, évidemment, on vous conseille d'y jouer. Et pour la sélection musicale, puisqu'on fait une petite sélection... Ah, tu vas nous choisir quoi alors? Qu'est-ce que tu vas nous choisir à nous faire écouter? Eh bien, dans le côté nostalgique, évidemment, celle que je siffle tout le temps à chaque fois que je fais la vaisselle, c'est la musique du circuit Yoshi, qui a été remixé avec un petit peu plus de guitare funky, et qui était présente donc sur le double dash, et apparemment il y aurait une anecdote sur ce circuit, mais on verra si on aura le temps de la raconter plus tard. Tant que je te coupe, je vais te dire ça, tu dis ça à la blague, mais j'en ai une vraie sur ce circuit. Et là, ça te la bouche. Ah oui. Ça te coupe un coin. Ah là, parce que ce n'est pas parce que souvent c'est la blague, parce que le circuit est en forme de Yoshi. Oh, mon Dieu, je l'ai révélé. Non, mais c'est que la musique, la Totaka Song, traîne quelque part. Ah. Voilà, je dis ça comme ça. Eh bien, à vous d'aller la chercher. Bon, elle est au niveau de la ligne de départ. Et il faut attendre un petit peu de temps, voilà. Comme ça, vous le savez. No spoil. Donc, on s'écoute Yoshi Circuit. Sur Mario Kart 8 Deluxe. We'll be right back. Eh bien, après avoir écouté un jeu, enfin tout le monde parlait d'un jeu qui est un simple jeu indépendant, on va parler d'un triple A. Non, je plaisante, on va parler d'un jeu indépendant, on va parler de Fez. Alors Fez, c'est quoi? C'est un jeu qui est sorti, un jeu de plateforme, de réflexion, qui est sorti le 1er mai 2012 ou 2013, je ne sais plus. Sur Xbox 360, sur PC, sur PlayStation 3, PlayStation 4, Vita, iOS, Switch. Enfin, il est sorti sur pas mal de supports. C'est un jeu indépendant d'un studio qui s'appelle Polytron Corporation et qui a fait ce petit jeu indépendant où l'on suit un petit personnage qui s'appelle Gomez. Et Gomez vit dans un monde en 2D et il va se retrouver avec un objet un peu particulier qui est un fez. Alors le fez, c'est une sorte de chapeau. Qui va lui permettre de déchirer l'espace-temps, on va dire ça comme ça, pour se rendre dans un monde en trois dimensions, mais c'est une trois dimensions un peu spéciale. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, en fait. C'est qu'on peut faire tourner le monde afin de faire découvrir des passages un peu cachés et un peu glitchés avec le monde. Et l'avantage avec Fez, c'est que c'est un monde, donc c'est du pixel art, on est bien d'accord, hein, c'est complètement du pixel art. Oui. Et donc on doit essayer de comprendre ce monde qui est dans une sorte de 3D mélangé avec de la 2D, qui essaye de cohabiter ensemble dans des décors qui sont complètement somptueux. Et donc voilà, donc, je ne sais pas si toi tu y as déjà joué. Alors en fait j'ai commencé le jeu, aussi sur tes conseils, et en fait... On se retrouve dans un jeu en 2D, mais c'est comme si chaque monde en 2D était sur un cube. Et que lorsqu'on arrivait au bout du carré, le carré pivotait comme un cube, et on se met sur une autre face du cube. C'est pour ça que le mélange 2D et 3D, c'est exactement ça, et c'est vrai que c'est assez difficile à expliquer comme ça sans y avoir joué, sans image non plus, mais c'est un peu comme si chaque partie du monde en 2D était sur chaque face d'un cube et qu'on pouvait pivoter le cube à foison. C'est ça le côté, c'est le pivot qui donne la 3D sur différents plans. Et ce qui est marrant, c'est que s'il y a un trou sur une face du cube, eh bien ça interagit avec l'autre côté visible dans la face de l'autre cube. Si on fait un trou dans la face qui est le plus avant, eh bien, on voit derrière la face qui est le plus derrière du cube. Donc, c'est ce truc-là. Et... C'est vraiment très difficile à expliquer parce qu'en fait, on a vraiment ce côté de 2D, 3D. Mmh. C'est très difficile à comprendre, mais c'est comme tu disais, avec l'histoire du cube, c'est plus ou moins ça. Mais des fois, ouais. En pivotant ce cube tout en ne bougeant pas le personnage... Et eh bien, on peut se retrouver de l'autre côté du cube, en fait. C'est ça. Donc, on se retrouve vraiment dans un monde qu'il faut comprendre, qu'il faut déchiffrer. Ça fait partie des énigmes, mais il y a aussi d'autres énigmes liées à l'astronomie, à certains portails, à un alphabet, parce qu'il y a un alphabet propre à eux. Au jeu. Dans le jeu, il y a un alphabet qui est déchiffrable, que l'on voit d'ailleurs dans les premiers moments du jeu quand on fait glitcher le monde, parce que quand on arrive au-dessus et qu'on récupère ce fameux fez, le monde glitch, bug, et on redémarre comme si on était sur un OS Windows des années 90. Ouais, on voit, ou 90. Et on voit donc du coup un alphabet apparaître quand il nous donne le fez, et cet alphabet est déchiffrable, mais on ne peut pas le déchiffrer tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail à faire qui va prendre beaucoup de temps. Une petite anecdote pour ma part, par exemple, moi quand j'ai fait ce jeu-là, je ne travaillais pas. Mmh. Quand je l'ai fait, j'avais donc beaucoup de temps libre. Et pendant ce temps libre, eh ben, c'est un des rares jeux où j'avais du papier à côté, où je faisais mes dessins, je regardais comment ça allait, etc. Je faisais énormément de recherches. À l'ancienne. Avec ce que je trouvais dans le jeu pour pouvoir permettre d'avancer dans le jeu. Et parce qu'il y a beaucoup d'environnements et beaucoup d'énigmes, en fait. C'est vraiment assez important de voir que c'est un monde très particulier à comprendre. Et c'est très difficile parce que justement, vu qu'il a ses propres codes, il faut le déchiffrer et il faut y aller. Moi, j'y suis allé au papier, par exemple. Ouais. Après, c'est le jeu qui veut ça. Surtout qu'il y a beaucoup... Il y a un univers assez varié. Donc, il y a le village au début. Mm-hmm. Puis, il y a les forêts, il y a la ville... Il y a le phare, il y a la bibliothèque. Et donc, du coup, tout ça, ça permet d'avoir un truc assez cohérent. Enfin, c'est un univers qui a sa cohérence. c'est pas cohérent par rapport à un autre univers, mais ça a sa cohérence. Et une fois qu'on est dedans, mais dans ces cas-là, ça va beaucoup plus vite. Et c'est un jeu que j'ai fini, je vais vous clairement le dire, j'ai dû utiliser la Solus pour une partie parce que, justement, cet alphabet, alors je vais peut-être un peu spoiler, mais pas trop non plus, mais l'alphabet est déchiffrable via une citation, mais une citation littéraire de la littérature anglaise. Ah oui. Donc, si on n'a pas une culture de la littérature anglaise... On peut pas. Ça va être compliqué, on va dire. Donc, du coup, là, c'est le seul endroit où j'ai réellement utilisé une solution, parce que sinon, c'est pas possible. Mmh. Et alors, on parlait avant d'enregistrer le podcast du New Game Plus. Oui. Refaisabilité du jeu. Donc, on en parlait un petit peu avant. Mais ici, le New Game Plus, c'est important parce que, en fait, quand on finit le jeu une première fois, on peut pas le finir à 100%. C'est pas possible. Il y a des énigmes qui se débloquent quand on gagne un objet qui est débloquable avec le New Game Plus, qui s'appelle, enfin, qui c'est une sorte de lunettes dans mes souvenirs, c'est une paire de lunettes. Mmh. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une vue subjective. Ah. Et là, on voit en trois dimensions dans le truc. Et donc, du coup, ça, si on n'a pas cet objet-là. Non, on peut pas. Eh ben non, on peut pas avancer. Donc, ça, c'est très, très important aussi. Et moi, à l'époque, je l'ai fait sur 360. D'accord. Sur Xbox 360. Et maintenant, il est sorti sur à peu près tous les supports et je vais l'avoir sur Steam. Et maintenant, il coûte pas très cher, je pense. Hein. Oui, c'est un vrai petit bijou d'inventivité. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le jeu, j'ai compris le principe fondateur de D3D et j'ai dû réagir comme toi. Je me suis dit, bon, ok, faut que j'ai le temps là pour, pour jouer à ce jeu. Donc, on va mettre en pause et puis on verra quand est-ce qu'on aura le temps de le faire, quoi. C'est vraiment un jeu qu'il faut dire, allez, je le fais. Oui, oui. Pas par exemple, commencer, puis... laisser de côté. Dire, allez, je stoppe, etc. Parce que quand tu vas y revenir, ça va être infernal pour pouvoir te retrouver, etc. Mm. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne l'ai pas refait, parce que je voulais le refaire récemment, mais vu que je n'avais pas le temps, je m'arrêtais à chaque fois, et à chaque fois, j'avais vraiment du mal à m'y remettre. J'ai dit, c'est pas la peine. Je comprends, ouais. Et de le refaire, il faut vraiment le faire d'un truc. En plus, il y a vraiment des énigmes liées au temps. Ah. Aussi, j'avais oublié de le dire, ça. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, il faut se mettre à telle heure de la journée pour pouvoir débloquer. Ouais, ça va à ce stade-là, en fait. À ce point-là, ouais. Donc, du coup, c'est vraiment un jeu qui est très, très riche. C'est énorme. Et qui a un univers fabuleux. Et je parlerai de la bande-son en toute fin, parce que, bon, c'est quand même un grand compositeur pour moi au niveau musique et chiptune qui a fait ce jeu-là et que j'écoute encore sa BO encore aujourd'hui. D'accord. Mais il faut savoir aussi que dans Fez, c'est pas punitif. C'est-à-dire que la mort... te fait revivre à l'endroit où tu es, donc c'est pas punitif. Hein. C'est jamais, t'as pas de nombre de vie, t'as rien du tout. Oui, d'accord. Tu ne peux pas réellement mourir. Ça, c'est important aussi. Hein. Tu recommences où t'en es, quoi, à peu près. Oui, c'est ça. Tu recommences au début du tableau actuel, mais tu vas pas recommencer au village avec trois vies. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et oui, d'accord. C'est un jeu qui est très posé, en fait. Il n'y a pas de stress, c'est-à-dire que... Il n'est pas impossible de te retrouver dans un endroit et te laisser imprégner par l'environnement, que ça soit par la musique, par l'environnement sonore en général d'ailleurs, avec les bruitages, etc. Puis la beauté du pixel art qui est très 8 bits, mais qu'il faut reconnaître qui est magnifique. Et j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, pour finir le jeu, il faut récupérer des petits cubes. Et à force de récupérer des petits cubes, ça va ouvrir un portail qui va vous permettre de finir le jeu. Je rentre pas trop dans les détails, hein, c'est pas nécessaire. Mais du coup, ça permet à chaque fois de réfléchir comment il faut faire pour accéder à ces petits cubes. Et c'est toujours très très intéressant à faire, quoi. Donc l'analogie du cube était plutôt pertinente. Je vois qu'il y a une main qui se lève au premier rang. Et donc je vais répondre à sa question. Oui, le mot Fez est lié, bien sûr, à l'objet, le petit chapeau rouge. Oui, c'est ça, ouais. Qui orne la tête du personnage également, et qui vient de la ville de Fès, du Maroc. Donc c'est bien exactement ça. C'est même orthographe, et même chapeau. Donc tu parlais, de l'environnement, la direction artistique qui est léchée, puisque c'est vrai qu'avec un principe aussi, je vais plutôt dire casse-gueule, il faut que le jeu soit rodé et ça te permet de chercher partout et de fouiller, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Ça te permet de fouiller. Et en plus, en fait, ce qui est très important dans un jeu qui a quand même sa difficulté par les énigmes, de ne pas être trop punitif et être justement de venir t'accompagner en douceur à la recherche de ces énigmes. Que ce soit, comme je disais tout à l'heure, hein, par l'environnement, la musique, le graphisme très léché, les couleurs, ce petit pixel art très efficace, etc., etc. Et ce personnage, le personnage est mignon en soi parce que c'est très très simpliste, mais on le reconnaît, on sait que c'est Fez en fait. Et que c'est Gomez plutôt, avec son Fez. Et donc du coup, il y a tout cet univers comme ça, en plus assez vivant, parce que bien entendu, il n'y a pas que des environnements inertes. Dans la ville, vous aurez des interactions avec les personnages, vous avez des animaux, etc. etc. La carte est assez particulière aussi de Fez, parce que c'est vraiment des portails à chaque fois. Oui. Mais tout a sa logique, c'est un univers qui a sa logique à lui, et une fois qu'on a compris sa logique, dans ces cas-là, les mécanismes paraissent pas simplistes, mais naturels, et après on peut vraiment s'imprégner de l'ambiance qu'est ce jeu-là. Quoi. Super. Et donc, ben, je vais parler un peu de la musique. Ouais. Un peu de la musique, ben oui, parce que... C'est un grand nom. En fait, oui, c'est Richard Vreeland, qui est AKA... Disaster Peace, et oui, Disaster Peace, je pense que ça l'a lancé en plus d'ailleurs. Meilleur pseudo. Je me demande si c'est pas Fez qui l'a lancé d'ailleurs. Fort probable. Je regarde un peu sa BO, et ouais, c'est Fez qui l'a lancé réellement. Et alors, la BO de Fez, c'est une BO que j'écoute encore maintenant, c'est de la chiptune. Fabuleuse. Fabuleuse. Toujours imité, jamais égalé pour moi. Vraiment, on est vraiment sur ce truc-là. Hein. C'est vraiment de la chiptune à son meilleur niveau. Et là, ici, ce qu'on va s'écouter, ben, c'est Fez Beacon. Après les cubes, on reste toujours dans le pixel art, mais par rapport aux limitations techniques de l'époque, on change du carré, on va plutôt sur le rond pour ce deuxième jeu. Ça va être un jeu indépendant, encore une fois. Pas très connu. Toujours japonais, pas très connu, il s'appelle Pac-Man. Oui, vous avez bien entendu, Pac-Man, le premier. Premier d'origine sorti dans les salles obscures, non, sur les bornes d'arcade. Obscures. Parce que c'est des salles plutôt lumineuses, les salles d'arcade, en 1980. Et c'est un jeu que j'ai tout le temps sur moi. C'est-à-dire, si j'ai une Game Boy, il y a un petit portage de Pac-Man là-dessus. Sur le téléphone, il y a un portage de Pac-Man là-dessus. Sur l'ordi sur lequel j'enregistre, j'ai Pac-Man. Pac-Man est toujours avec moi. Est-ce que tu as la version Atari 2600? Non. C'est pas la meilleure. Hein. C'est pas la meilleure, ah bon, c'est sûr. Non, non, non, non. Là, on parle vraiment de la version arcade, et tu fais bien de le préciser, parce que il était sorti un petit peu partout. Notre ami rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, comme dirait William Lémergie, avec un pseudo sur le disque qui s'appelle Willy. Hein, bon, voilà. Pas trop d'imagination. Alors, Namco rend hommage d'ailleurs à Toru Iwatani, qui avait fait Pac-Man. Alors, Pac-Man, c'est un jeu qui sort un petit peu de la mouvance de l'époque, puisque, alors, faut se replonger, hein, à l'époque, beaucoup de shmup, Space Invaders notamment. Et là, pour une fois, on ne tire pas sur les ennemis et on bouffe. Alors bon, déjà, tu sais très bien que depuis tout temps, je suis, il faut dire que je suis gourmand. c'est un jeu qui porte sur la bouffe, déjà, ça me plaît. Et c'est un labyrinthe où on doit bouffer toutes les graines de couscous sans se faire becter également à son tour par des fantômes. Alors, présenté comme ça, un mec qui bouffe des pilules qui clignotent et qui se fait courser par des fantômes, ça peut paraître de la drogue, mais non, on est bien sûr de la bouffe, puisque dans chaque niveau, donc c'est toujours le même niveau, hein, le premier Pac-Man, c'est le même labyrinthe à chaque fois, il y a 4 fantômes qui nous pourchassent, qui sortent de leur enclos qui est au centre du labyrinthe, et donc il y a le rouge qui est vraiment très vénère, c'est le plus intelligent, il y a le rose qui fait de belles feintes, qui fait de très très belles feintes et qui peut nous piéger là où on l'attend pas. Le bleu qui est, ma foi, classique. Et l'orange qui fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. C'est dire que je me fais souvent attraper par lui, d'ailleurs. Parce que je m'attends vraiment absolument pas à ce qu'il soit là. Il dit, bon bah là, il va me foncer dedans. Non, non, il fait demi-tour, machin. Au revoir. Bon. Les fantômes ont leurs propres identités. Ouais. Ils ont leur propre nom en japonais et en anglais. Donc c'est-à-dire que le rouge, c'est Blinky, le rose, c'est Pinky, le bleu, c'est Inky, évidemment, le plus bête, c'est Clyde. Ben oui. Pourquoi? On sait pas. Why not? Et c'est vrai que graphiquement, on reconnaît, c'est impeccable, on reconnaît très très vite les couleurs, les formes, et donc on doit bouffer toutes ces petites billes jaunes, et les plus grosses qui clignotent, qui sont dans les quatre coins du labyrinthe, permettent, pendant un temps donné, de rendre les fantômes tous bleus, puis bleus et blancs, ce qui permet de les rendre comestibles. Et là, au lieu de les esquiver, là on peut les bouffer et augmenter le high score, 200 points pour un fantôme, 400 points pour deux d'affilée, 800 points, puis 1600 si on bouffe les 4 d'affilée. D'ailleurs, je regardais comment on speedrunnait ce jeu, parce que, évidemment, comme c'est un jeu d'arcade, quoi, donc c'est le même niveau, on recommence, c'est de plus en plus dur, les effets de ces grosses billes sont de moins en moins importants, on voit même à un moment donné, quand on refait le labyrinthe une dixième fois, ça ne sert plus à rien, c'est une bille comme une autre, quoi. Ça sert plus, hein. Et je me demandais comment speedrunner ce jeu, parce que soit on est trop fort et on le fait 256 fois ce labyrinthe, et l'imitation technique de l'époque, arrivée au bout de 256, ça plante complètement, donc c'est un moyen de finir le jeu, ou alors, soit on mange le plus vite possible toutes les billes qui sont là, ou on monte au high score de 10 000 points, symbolique dans Pac-Man, puisque quand on a 10 000 points, on gagne une vie. Parce que bien sûr, dès qu'on se fait toucher, pouf, on perd une vie et on recommence du départ, du point de départ de génération qui est en dessous de l'enclos, au centre, un petit peu en dessous, mais il conserve et sauvegarde la progression des billes qu'on a bouffées. Et ça c'est pas mal, c'est aussi innovant là-dedans, puisque à chaque niveau a son fruit, donc la cerise, la fraise, la pomme, jusqu'à des trucs, je comprends même pas ce que c'est, des cloches, des fantômes retournés de Galaga, pff, je sais pas pourquoi, les cloches des clés, bon, ça part en cacahuète après. Hein. Je sais même pas si la cacahuète est disponible d'ailleurs. je pense pas, mais j'étais en train de regarder pour le bug du 256e niveau, et en fait c'est lié aux fruits justement. D'accord. Et en fait, pendant que tu goûtes, du coup, ça rajoute des fruits, et à un moment donné, il peut pas rajouter 8 fruits, mais vu que c'est lié avec les bits, ben, ça revient à 0, mais 0 inférieur à 8, donc il y a un problème. Ah oui, on divise par 0 quoi. Voilà, il y a un truc un peu dans le style, et donc du coup ça plante. Ok. Mais c'est lié à ça, ce plantage au 256e niveau. Enfin, je sais pas si... Ça doit être disponible, hein. Les vidéos où la personne commence par le tout début du jeu et va jusqu'au... Ça doit être très très long, jusqu'au 256e niveau. Mais pour le speedrun d'aller aux 10 000 points, eh ben t'es obligé de bouffer les fruits qui apparaissent deux fois par niveau et de bouffer les 4 fantômes en une seule bille. C'est normal pour avoir le max de points. C'est un petit peu une certaine dextérité d'apprentissage du jeu aussi. Hein. Oui, c'est... Des mécanismes du jeu. Particulier, il y a une certaine méthodologie. Alors, tu peux trouver sur Internet des chemins, puisque les départs, disons, des fantômes sont toujours pareils. C'est-à-dire que les deux premiers niveaux, ils sortent l'un après l'autre. Ouais. Donc, tu peux commencer à avoir un chemin sur le bas du labyrinthe pour déjà nettoyer tout ça. Et à partir du troisième niveau, les deux derniers, donc le orange et le bleu, sortent en même temps. Donc là, t'es un peu pris de court. Si t'es en bas, t'as un fantôme à gauche et un fantôme à droite qui vont vers le centre et donc vers toi. Et après, bah, c'est quand même l'IA qui est bien bien faite, parce que t'as quatre ennemis indépendants qui réagissent en fonction de ce que tu fais aussi. Direction oblige, les touches c'est pas compliqué, il y a juste quatre directions. Et il faudra attendre Pac-Mania en 87, 7 ans plus tard, pour pouvoir sauter par-dessus. Et ça c'est un bonheur. Oui, ça améliore une dimension différente au jeu. Oui. Ah ouais, ouais, mais c'est en isométrique, c'est une autre génération. Quoi. Mais là, pourquoi le tout premier Pac-Man ? Parce que vraiment, il y a déjà toutes les bases pour s'amuser. Le jeu est loin d'être facile, mais c'est vrai que tu peux... Enfin, tu comprends très très vite qui est le héros, pourquoi les méchants ils t'en veulent, le but du jeu, et en fait tu peux faire part à l'improvisation. Et ça c'est quand même pas mal, parce que tu peux soit finir un niveau, soit essayer de gagner le high score, soit essayer de choper les fruits, soit essayer de manger le plus possible de fantômes, tu peux le jouer là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que quand tu es pris au piège, eh bien sur les côtés, à gauche et à droite du labyrinthe, tu as une petite sortie façon Looney Tunes, où quand tu sors à droite, eh bien, tu réapparais à gauche. Et ça fait ralentir les fantômes. C'est ça, ouais. Et ça, c'est pas mal pour s'en sortir. Ça, c'est vraiment des... En fait, il y avait vraiment des nouveautés, enfin, des trucs assez novateurs pour l'époque, en fait, surtout. Sachant qu'en plus, au début, on avait... Et je pense pas que je dis une bêtise en disant que c'était la première cinématique... Tout à fait. Dans l'histoire du jeu vidéo. Parce qu'au début... Il y avait pas de... Ben, il y avait peut-être Donkey Kong, tu sais, au départ, quand il se frappe, mais... C'est pas une vraie cinématique, quoi. Est-ce que tu peux considérer comme une cinématique, tandis que là, on a vraiment les fantômes qui coursent Pac-Man. Un scénario, quoi, et une animation. Et puis après, Pac-Man qui course les fantômes par la suite, donc... Tout à fait. Ouais, je crois que c'était celui-là qui était considéré comme première cinématique, mais... Quand tu finis le deuxième niveau, Pac-Man est énorme. Ouais. Quand tu finis le cinquième niveau, t'as Pac-Man qui se barre. Et quand tu finis le huitième niveau... parce qu'il y a un fantôme qui avait coursé et qui s'était fait prendre au piège, et ben, il ressemble à rien, quoi. Vraiment, le fantôme ne ressemble à rien, mais on ne garde pas cette texture pour la suite du jeu, bien sûr. Mais déjà, arrivé au 8e niveau, c'est quand même balèze. Hein. C'est assez fort, parce qu'ici, j'y ai rejoué parce que j'ai récupéré une version Namco Museum sur Nintendo GameCube. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai relancé Pac-Man, hein, pour voir un petit peu... Si le jeu fonctionnait. Ouais. Et c'est vrai que je me souvenais plus. Alors, le premier niveau est assez facile à boucler, hein, quand même. Mais après, il est vrai que ça se corse assez vite. Et si on n'a pas les techniques, on y perd vite. Parce qu'en plus, c'était vraiment lié aux arcades. C'est-à-dire, vraiment, il fallait que tu mettes ta pièce pour pouvoir jouer. Donc, du coup... Tout à fait. Bon, au début, tu réussis le premier, mais après, on te laissera pas faire. C'est bon, tu t'es amusé, alors paye. C'est ça, c'est exactement ça. tu veux jouer plus, paye. C'est vraiment un jeu fondateur pour beaucoup de choses, parce que, par exemple, quand on veut commencer à programmer des jeux, eh bien, on commence à essayer de faire un clone de Pac-Man, parce qu'il y a absolument tout. Il y a un high score, il y a une intelligence artificielle, il y a les collisions, il y a y a des événements, il y a plein de choses comme ça, et c'est vrai que c'est assez fondateur dans l'histoire du jeu vidéo, et en plus c'est coloré et plutôt rigolo, je trouve, même si il est pas facile. Alors il y a deux versions. Il y a une version au tout départ, puisque c'est un jeu japonais, qui s'appelait d'ailleurs Puckman. Puckman, oui. On connaît l'anecdote, puisque, évidemment, quand tu gommes un petit peu le P, ça ressemble à un F. C'est ça. Et avoir des bornes d'arcade qui s'appellent Puckman, c'est pas très sympa. Ça, ça gênait pas trop au Japon, mais quand il y a eu l'importation aux États-Unis, Namco a pas voulu... Logique. A pas voulu logique. Risquer. On se demande pourquoi. C'est bizarre, quand même. Ouais, c'est bizarre. Et en fait, hormis le nom... Il y a une petite différence en fonction des chemins qu'arpentent les fantômes en début de niveau. Donc des fois, un chemin que tu fais qui est safe dans une version européenne, toujours à borne d'arcade, ne l'est peut-être pas sur la version japonaise. Ah d'accord, ok. Voilà, ça c'est toujours essayer d'avoir la petite improvisation, et ça c'est pas mal. Et donc oui, tu disais la cinématique. Et au niveau musical, il y a deux musiques. Au final dans Pac-Man. Il y a la musique de cinématique et la musique d'intro qui est culte, évidemment. Mais c'est pas cette musique-là que... c'est ni l'une ni l'autre que... Tu nous as choisi quoi alors ? Que j'ai choisi. C'est vraiment l'ambiance du jeu. C'est-à-dire que c'est reconnaissable entre mille et ça me fout dans une ambiance de sorte que je ne peux pas jouer en sourdine. C'est-à-dire qu'il me faut... les haut-parleurs à fond les ballons pour entendre vraiment le côté frénétique de quand Pac-Man bouffe, que les fantômes s'approchent, que dès qu'ils sont comestibles, t'as une alerte en fait qui est différente du reste du jeu, et en fond sonore, le truc qui fait le plus mal aux oreilles, en fait c'est une alarme qui est continue, mais qui est de plus en plus rapide et de plus en plus accélérée lorsqu'il reste de moins en moins de billes sur le labyrinthe. Ouais, c'est un environnement sonore qui permet de te créer une sorte de tension constante pour permettre justement une sorte d'adrénaline en fait. C'est exactement ça. Mais tu peux écouter cette tension comme si c'était une aide dans ton jeu puisque t'as vraiment des indices sur ce qui se passe en temps réel si tu sais décrypter tous les effets sonores qui sont superposés, quoi. C'est très pratique. Pour savoir à peu près où t'en es, parce que, comme je dis, c'est improvisation, mais c'est vraiment de la réaction, pas la milliseconde, mais vraiment de la réaction très très très rapide, quoi. Il faut vraiment bien gérer le fait que, ici, il y a un fantôme, si je tourne à gauche, je vais peut-être me faire coincer, alors du coup, il faut que je refasse en arrière, mais il y a un fantôme ici qui arrive, enfin, c'est vrai que c'est... Donc chaque indice est super bon à prendre, et voilà, et donc ça fait plaisir d'écouter ça et de rendre hommage à l'une des premières mascottes ultra reconnaissable du jeu vidéo, quoi. Donc on s'écoute, l'ambiance sonore de Pac-Man. Après les Pac-Man, les Fez et les Mario Kart, on va attaquer un jeu un peu plus adulte. Je pense que là, c'est le mot. Alors, c'est mon deuxième jeu. C'est Bayonetta. Alors, hasard du calendrier fait que c'est les 12 ans du jeu en Europe. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Bayonetta. Il était sorti sur PlayStation 3 et sur Xbox 360 à l'époque, le 8 janvier 2010. Et donc du coup, on est en train d'enregistrer le 8 janvier 2022, donc ça fait 12 ans. Et oui, parce que je suis bon en maths, hein, bien sûr. C'est ouais, ça. Ouais, ouais. Apprends les maths avec Nexus. C'est ça. Running gag. Et donc du coup, Bayonetta, pourquoi Bayonetta ? Alors ça, c'est rigolo parce que je ne suis pas un fan de Beat'em All. Ah. Ou beat'em up, hein, en fonction de ce que vous faites. C'est... Tabasse-les tous. Voilà, tabasse-les tous, version française. Non, je ne suis pas un grand fan de ce genre de type, mais pourtant Bayonetta a réussi à me séduire sur plusieurs points qui ont fait que, ben même maintenant, j'attends le 3 qui est censé sortir cette année-ci d'ailleurs, avec une impatience folle. D'ailleurs, je pense que je vais même le précommander. Parce que Bayonetta, j'avais commencé sur 360, on m'en avait dit du bien, parce que mon frère avait joué au fameux Devil May Cry, bien sûr. Parfait. Et du coup, c'était une série que j'avais testée, mais que j'avais pas réellement appréciée. Pas parce que le jeu est pas bon, hein, loin de là, hein, mais c'est parce que j'étais pas le public vraiment. Et l'avantage de Bayonetta a été que le public, enfin l'univers, on revient encore à l'univers, mais pour moi, c'est tellement important dans un jeu que l'univers m'emporte. Que ça a complètement matché. C'est d'ailleurs très simple, hein, c'est un monde où en fait donc il y a le monde qui existe de tous les jours, hein, sauf que il est divisé entre en haut bien sûr le paradis et en bas l'enfer. Et donc du coup, Bayonetta, vous êtes une sorcière, la fameuse sorcière d'Umbra, qui gère les forces maléfiques, forces de l'enfer, et qui affronte les sages de l'humaine. Qui sont donc les défenseurs du paradis, de la lumière, etc. Et donc Bayonetta, le personnage, je pense que je vais pas faire d'image, mais c'est un personnage féminin qui est ultra sexualisé, qui joue énormément sur les codes érotiques, mais jamais que ça soit très obscène. En fait, c'est surtout ça qui est important, c'est que ça rentre pas dans le truc très obscène, on reste vraiment dans un côté très érotique mais contrôlé et avec une classe folle, c'est-à-dire que le personnage de Bayonetta est véritablement charismatique. Elle a des pouvoirs, elle a des postes classe, elle est jamais stressée par la situation ou alors très rarement. Et donc du coup, ça joue sur l'univers, ça joue sur la force du scénario, parce que le scénario est pas non plus c'est pas un scénario de folie, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a perdu sa mémoire, déjà de base c'est pas très original, et qui va retrouver plus ou moins une petite fille qui pense être sa fille à elle. Et donc du coup on va suivre plus ou moins ce cheminement jusqu'à arriver jusqu'au dénouement final que je ne raconterai pas, bien sûr. C'est gentil, je spoil pas les jeux, je ne divulgâche pas les jeux. Mais c'est disponible sur la chaîne entièrement, donc j'ai fait l'intégrale parce qu'en fait j'ai voulu le faire pour... Alors moi en fait c'est très simple, je vais aussi raconter un truc là-dessus, je les ai fait en facile parce que je n'ai pas le temps. On y revient. C'est mon excuse. C'est mon excuse. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps de faire beaucoup de jeux vidéo. Donc, je n'ai pas le temps de me buter avec mon travail. Hein, on le sait. Enfin, bref, oui, c'est bien. Je n'ai pas le temps de me buter sur un jeu vidéo en difficile. Et donc, j'ai une tendance à privilégier le moment quitte à perdre certains trucs pour pouvoir justement me rappeler de certains trucs. Parce que Bayonetta, je pense que sur 360, je l'avais fait en normal. Je l'ai jamais fait en difficile. Mais ici, j'ai dû le faire en facile parce que je voulais tracer pour pouvoir avoir, être à jour pour le 3, quoi. Et profiter à fond, au final. Et profiter à fond aussi, parce que comme je dis, l'histoire est pas non plus exceptionnelle, mais c'est quand même quelque chose qui est assez drôle à voir. Il y a beaucoup d'humour. Ouais. L'humour est omniprésent, c'est très très important. Donc ça se base sur deux trucs, la classe, l'humour et l'érotisme. Et c'est vraiment très drôle, en fait. C'est... poussé au paroxysme pour le critiquer presque. Ouais. C'est assez compliqué, difficile sans le montrer, sans le dire, mais il y a ce côté érotisme caché, mais en même temps ça va vous rendre un petit peu mal à l'aise, elle va jouer avec les stéréotypes féminins, c'est-à-dire une immense paire de seins, de très longues jambes, avec des vêtements qui sont moulants, quand il y a des pouvoirs qu'elle utilise, ça va être renforcé par le fait qu'elle va perdre ses vêtements. Que elle va faire des baisers assez évocateurs, etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui font que ça crée ce côté érotique. C'est le principe de la caricature, quoi. Ouais, c'est ça, c'est très caricatural. Tu vas jusqu'à l'extrême pour critiquer ce que tu montres. Et elle joue avec ça, en fait. C'est vraiment jouer avec ça pour critiquer la vision du regard masculin sur les personnages féminins, parce que bien entendu, il y a toujours ce côté-là. Enfin, elle y joue, quoi. En plus, c'est une sorcière, elle va jouer sur ces trucs-là. Par exemple, c'est pas vraiment un spoil, mais quand tu affrontes une certaine, un certain type d'ennemi, qui est une sorte de, d'ange, on va dire, de la lumière, mais très sexualisée elle aussi, elle va utiliser des techniques de BDSM pour le tuer. Classique. Donc le coup spécial va être vraiment, donc, vraiment se faire souffrir l'adversaire sur des trucs qui sont de base prévus pour le BDSM. Mmh. Donc là, on est vraiment dans ce truc-là un petit peu coca. C'est vraiment un jeu PEGI 18, hein, ça, mais là, on y est en plein dedans, il n'y a pas de problème pour ça. C'est bien de le préciser, parce que c'est vrai qu'on avait parlé de jeux tout mignons depuis le début. Là, oui, bon. C'est ça. Là, on est dans le gros truc assez trash-fouille. PEGI 18. Donc il y a du sang, il y a de la violence, bien entendu, c'est un beat'em all, donc du coup, ça frappe fort, les combats sont très nerveux, on va y revenir après. Il y a véritablement ce côté lumière et enfer, et en plus on se rend compte que dans la lumière, enfin, c'est très malsain aussi, c'est-à-dire que c'est censé être le paradis, mais le paradis avec des monstres qui sont assez difformes là aussi. Forme. Les boss sont à base de têtes de bébés bizarres qui tirent des lasers. Enfin, on est vraiment sur un truc très très particulier, très malaisant. On est vraiment sur un côté assez malaisant, mais qui crée aussi une ambiance particulière qui fait que l'univers est complètement dingue. Et il faut vraiment le faire pour le comprendre. Je pense d'ailleurs qu'il est sorti sur Switch. Il est ressorti sur Switch d'ailleurs, je pense. Tout à fait, ouais, ouais. Alors, en 2018. Ouais, moi je l'ai fait sur Wii U. Ouais. Donc avec etc. Et que je trouvais déjà vraiment bien foutu. Bon, après avoir parlé de ça, il faut parler aussi du jeu en lui-même. Donc Bayonetta, elle a la particularité d'avoir. Donc, on parle de Bayonetta, mais en fait son vrai nom c'est Cereza. C'est son surnom Bayonetta parce qu'en fait elle a des flingues au niveau des mains et des pieds, ce qui lui permet de tirer avec au niveau de ses mains, au niveau de ses pieds. Mais c'est pas pratique pour manger, par contre. C'est pas pratique pour manger. Mais du coup, ça permet d'avoir une variété dans le gameplay, c'est-à-dire qu'elle peut donner des coups de poing, de pied, mais elle peut aussi tirer avec ces armes-là. Armes qui sont bien sûr changeables, modernisables. Enfin, on peut les moderniser, on peut les changer, on peut en trouver d'autres. Via une boutique qui est une sorte de bar des enfers, qui vous permet de modifier votre équipement et l'intégralité aussi de vos capacités, parce que bien entendu, qui dit beat'em all dit que vous pouvez faire des combos, et ces combos peuvent s'appliquer, etc., etc. Et à chaque série de combats, vous avez une note en fonction de ce que vous avez fait comme combo et comment vous avez été blessé dans le jeu, quoi, dans la session. Et ça peut aller du bronze jusqu'à la platine, platine pure, où vous pouvez donc du coup essayer de platiner le jeu. C'est le cas de le dire. Mais c'est complètement le cas de le dire, en effet. En plus, il y a des séquences particulières. Outre les séquences de combat, il y a aussi les séquences un peu plus particulières à base de moto ou alors en train de surfer à missile, de croisière. Enfin, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais en plus, c'est une ode aux autres jeux de Sega, parce que c'est un jeu Sega. De Platinum Games, si je dis pas de bêtises du nom de... Ouais, c'est ça, Platinum Games. Ouais, tout à fait, ouais. Parce que je voulais pas écorcher le nom, hein, mais... Et édité par Sega, donc c'est vraiment... On a vraiment l'ambiance de Sega, ils font un hommage à Afterburner et un hommage à Outrun. C'est un hommage à un autre jeu très célèbre de Sega qui fait que, du coup, ça... Il y a aussi le côté hommage à la saga, et en plus, bon, Bayonetta, c'est devenu maintenant une licence phare de Platinum Games. Ils font leur place... Ils ont réussi à faire leur place là-dessus, quoi. Alors, en plus, qu'est-ce que j'ai pas dit encore ? Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour du jeu. Il faut savoir que, donc, du coup, le scénario, le jeu se finit en... Je sais plus combien je l'ai fini. J'ai fini en facile, je l'ai fini en 10 heures, je pense, une dizaine d'heures. Ça se divise en une dizaine de chapitres. Et vraiment, on va avoir des moments de... Waouh ! C'est-à-dire que les combats contre les boss sont assez impressionnants. Ce que j'ai oublié de dire au niveau gameplay, c'est par exemple, on a une technique qui vous permet d'esquiver les coups. Si tu fais une esquive parfaite... Eh ben, ça te permet de ralentir le temps. Ah. En ralentissant le temps, eh ben, ça te permet de taper beaucoup plus et d'enchaîner les coups, et donc du coup, de gagner le combat plus facilement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une dimension aussi du truc, du gameplay, qui est assez importante. Et bon, après, comme j'ai dit, le scénario est assez... c'est un scénario à la japonaise, en fait. C'est donc c'est très convenu. Ouais. Mais c'est efficace. C'est-à-dire qu'on va toujours être content de savoir ce qui s'y passe. Mais c'est pas le truc que tu vas rêver etc. C'est pas non plus le truc. Après, c'est ce qui est très important dans ce jeu-là, je pense que c'est vraiment l'univers, la bande-son qui est vraiment mais exceptionnelle pour ce jeu. Je suis pas un grand fan des bandes-son à la japonaise comme dans les beat'em all, mais vraiment sur Bayonetta, c'est vraiment pas mal. Et tout l'emballage qu'il y a autour. Il faut savoir aussi que, par exemple, sur la version Wii U, donc Cereza, la sorcière Bayonetta, peut en fait porter un costume de Peach. Tiens donc. Un costume de Daisy et de Metroid et de Zelda et de Link, mais donc de Link de The Legend of Zelda. Donc Samus. Donc oui, de Samus et de Link. Incroyable. Donc du coup, il y a un petit côté Nintendo, ce qui est assez rigolo. Sachant que Nintendo était toujours un peu frileux de faire des partenariats avec des jeux pareils. Et des éditions. Alors, un jeu adulte. Oui, c'est ça, ouais. Et édité par Sega, en plus. Donc on est vraiment sur un truc assez rigolo quand même. Hein, c'est-à-dire. De créer, en plus de laisser son image à Bayonetta, c'est assez rigolo. Mais ça donne ce petit côté en plus, en fait. Parce que du coup, Bayonetta 2 est une exclusivité Nintendo, ça, il faut le dire. Et le 3 le sera aussi. Mais le 1 est sorti sur PlayStation 3, Xbox 360 et sur Wii U par après. Donc du coup, voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai fait une bonne petite critique du jeu. La revue Famitsu, donc au Japon, mais avait mis 40 sur 40 à Bayonetta sur Xbox 360 et 38 sur PS3. C'est énorme, ça. Alors, Gamekult a mis 8 sur 10. Ouais. Et jeuxvideo.com, 19 sur 20 sur la version Xbox 360 et 19 sur 20 sur la version Wii U. Ça va. Donc, on va dire que c'est... On a des bons goûts, quand même. Hein. C'est bien. C'est pas un petit jeu. C'est pas le petit jeu du coin. Ça, non, c'est non. Très, très bien vendu. Maintenant, je pense que Bayonetta se retrouve dans... C'est retrouvé dans Super Smash Bros, entre autres. Tout à fait. Donc, du coup, elle s'est imposée comme étant un beat'em all. Par exemple, ça, c'est rigolo. C'est que de la même boîte, qui est connue hein, aussi, Platinum Games, j'ai fait le jeu qui est sorti sur Switch, là aussi, qui s'appelle... Astral Chain, voilà. C'est Astral Chain. Ouais. C'est un jeu qui est sorti uniquement sur Switch. L'univers est bien mieux. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence de l'univers. Je n'ai jamais réussi à le finir. Ah. Je n'y arrive pas. Parce que je n'arrive pas à m'attacher au personnage. Ah. Et donc, du coup, j'ai complètement décroché. Et je n'ai pas réussi à continuer Astral Chain. Je le continuerai peut-être plus tard, mais j'ai toujours pas fini Astral Chain, que j'avais refini une deuxième fois Bayonetta. Donc, c'est pour dire. C'est pour oui, dire. Tu t'es vraiment attaché. Bah, il y a de quoi. Et c'est marrant parce que tu disais que t'avais pas accroché sur Devil May Cry. Ouais. Et là, t'as accroché sur Bayonetta. Et c'est peut-être le recul. Je crois que c'est la même personne qui a réalisé les deux. Je pense que c'est ça en plus. Oui, c'est ça. Et il y a ce rapprochement-là qui fait que. C'est ça, ouais. Il y a une prise de risque aussi. Oui, il y a une prise de risque. Par rapport à Bayonetta, au-delà de Devil May Cry, il fallait plutôt imposer. Ce que, par exemple, la PS2 pouvait cracher, tu vois, au niveau des tripes, les graphismes, se croire dans un cinéma, etc., etc. Alors que Bayonetta, on n'est plus à ça près. C'est fini, il n'y a plus à prouver, quoi. C'est très léché, en fait, comme univers, en fait. C'est vraiment... On va vous en mettre plein la tronche du début à la fin. Des explosions partout, la gravité qui n'a plus aucun sens jusqu'à la fin, que je ne révélerai pas parce que c'est complètement grandiose au niveau de la fin, au niveau final, c'est assez dingue. Mais on est vraiment dans ce truc, on va vous en foutre plein la tronche. Il n'y a jamais réellement de répit. Et même dans le répit, il y a toujours quelques trucs qui peuvent se passer qui font que... Si, à la rigueur, quand on est dans le bar, justement, les portes de l'enfer... Ouais. Où on achète nos objets, ben là on est en pause, on a une petite musique jazzy que je vais vous passer juste après. Mmh. Mais si on est dans l'histoire même, ouais. On va jamais arrêter et puis ça va pas arrêter une seule seconde jusqu'à la fin. Et surtout qu'après on s'attache, comme je disais, on s'attache énormément au personnage. Mais après, encore une fois, c'est vraiment le scénario générique japonais avec un méchant très générique là aussi. Oui, oui. Et donc du coup, on ne sera jamais réellement touché à 100% par le scénario, mais c'est l'univers qui fait tout. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a un nouveau monstre qui arrive, il va se mettre dans un codex, une sorte de livre qu'on peut consulter à tout moment avec ses caractéristiques. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça, donc alors c'est dans le 2 que ça va arriver, mais dans le premier, il n'y a que celui du paradis. Et dans le 2, il va y avoir paradis et enfer. Ouais. Et donc, du coup, on a une sorte de classement de tous les personnages, de tous les monstres qu'on a affrontés, de la lumière, etc., jusqu'au boss. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont classés en différentes étapes. C'est-à-dire qu'il y a les sous-fifres, on va dire, jusqu'au grand ponte. Et donc, du coup, ça va aller vraiment sur du n'importe quoi. C'est-à-dire que certains combats de boss, ça va tout détruire sur le passage. Il va falloir faire plein de trucs. Ça va vous exploser à la gueule, il n'y a pas d'autre mot, hein. Ça va vraiment vous péter à la tronche. Et vous allez vraiment être... Mais qu'est-ce qui se passe? Et on est avec la manette et on joue et... Franchement, je sais pas, j'ai rarement ressenti ça dans un jeu vidéo comme Bayonetta. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui est vraiment fan de tout ce qui est tension dans le jeu. Ouais. Mais là, si Bayonetta, ça a fait mouche. Tout simplement, ça a fait mouche. Ça a marché pour moi, et je pense que ça a marché pour beaucoup de monde, parce que je sais bien que la saga est assez, est assez réputée, et puis assez plu par beaucoup de joueurs. Donc, C'est devenu une mascotte du jeu vidéo, hein, assez rapidement. Oui, et puis même si on dit Platinum Game, on parle plus d'autre chose, on parle vraiment de Bayonetta. Ceux qui ont fait Bayonetta, point. C'est ça. Si on parle plus, parce qu'ils ont fait, si je dis pas de bêtises, Platinum Games, ils ont fait aussi Transformers, qui est complètement tombé dans l'oubli. Ils ont fait quoi? Ils ont fait ils ont fait Star Fox Zero. Qui c'est qui s'en souvient? Je m'en souvenais pas. Moi, je me souviens d'Astral Chain et j'avais même du mal à dire le nom. Donc, c'est pour dire à quel point on en est là. Ils ont quand même fait Nier Automata. Ouais, ils ont fait Nier Automata. C'est vrai. Ça fait partie des jeux que je suis passé un peu à côté. Mmh. Mais c'est vrai qu'ils ont fait Nier Automata. Ils sont aussi reconnus pour ce jeu-là. Mais sinon, à côté de ça, ils sont reconnus pour Bayonetta et le reste. Voilà quoi. C'est un peu. Mad World aussi au tout début. Oui, c'est vrai. Sur Wii, avec une patte graphique très particulière et reconnaissable. Qui est à noter, oui. Mm. Donc voilà, du coup, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Je ne sais pas si tu y as joué. J'ai beaucoup parlé, mais. Alors, je n'y ai pas joué. La grosse découverte, c'est en regardant ton let's play, que je n'ai pas fini encore. Je me suis amusé, ouais. Je me suis amusé dessus. C'est vrai que l'univers, t'es pris directement dedans, quoi. Donc, c'est sympa. Et pareil, comme toi, tu vois, je suis pas un grand fan de t'appeler tous. De t'appeler tous, ouais. mais c'est vrai que, voilà, quand derrière, il y a un truc qui est proposé, un truc qui se tient à l'univers, déjà, ça te donne plus envie de te mettre dedans et puis et d'accepter la mécanique. Tu vois, on parlait de Devil May Cry. J'avais fait, ouais. Et maintenant, avec le recul, parce que j'en parle comme ça, ouais. J'ai envie de lui redonner sa chance. Alors, tu peux... Soit le 1, qui est fait par le même gars. Ouais. Vraiment l'origine, quoi. Ou soit le 4, qui est très très bon aussi. Avec qui est un peu plus récent. Ok, bien sûr, forcément. D'autres ajouts de mécanismes, quoi. C'est ça, ouais, voilà. C'est vraiment à conseiller. Donc du coup, on va s'écouter. Alors, j'avais hésité sur les OST parce qu'il y a des hommages aux jeux vidéo. Donc comme je disais avec Afterburner de Sega et Splashwave. Donc c'était Outrun. Incroyable BO. Oui, de Outrun bien sûr. Mmh. Et donc là ici, c'est justement quand on est un peu dans le calme, c'est The Gates of Hell. Thank you. après ce smooth jazz, pour entamer le... Ça y est, on est arrivé dans le top 1, nos jeux préférés. On est dans le GOTY. La perle. La perle rare. C'est... Eh bien, c'est ça. On va introduire, ou plutôt présenter ce jeu, avec une petite histoire, l'histoire du jeu. Racontée par Papa Yonoul. Oh. Père Yonoul, pardon. Raconte-nous une histoire. C'est ça. À vous de deviner le nom du jeu. Il y a très longtemps, dans le royaume de Galomère, vivait un sorcier appelé Zarok. Cet homme, arrogant et sans pitié, haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leurs mœurs paisibles. C'est pourquoi il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses pour célébrer la manière dont il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits, bâtit en défaite les démons, les fauchant un par un, et la manière dont, bien que mortellement touché, il anéantit le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galomère, et la paix s'instaura pendant 100 années. Jusqu'au jour où le sorcier réapparut. Alors, je pense que c'est Oblivion. Presque. C'était 8 ans avant, c'était Medieval. Medieval sorti sur, et là, ça n'étonnera personne d'avoir choisi la console enfin, PlayStation. Mais dis donc, Yonoul, n'aurais-tu pas une émission qui parle de la PlayStation ? Où les best-of sont disponibles sur la chaîne Nexus ? On se demande bien. Oui, et voilà. Yonoul ? Oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Monté par tes soins. Blablabla. Exactement. Alors allez, de la pommade. Medieval, jeu exceptionnel, mais je ne suis pas... L'objectif, évidemment, réalisé par Chris Sorel... Pour vraiment la conception du jeu, et pour le graphisme, c'est Jason Wilson qui a mis à disposition tout ce qu'il avait fait sur YouTube. Et ça, c'est très sympa, tu vois les concept art et tout. Alors, c'est quoi Medieval ? À l'origine, ça devait être un hommage en 3D, une suite indirecte de Ghosts and Goblins. Si tu te rappelles de ce jeu. Ouais, je vois très bien de ce jeu très difficile où voilà. Le héros se terminait la plupart du temps en caleçon. Oui, il commence dans un cimetière, il est en armure, il doit sauver sa dulcinée et le jeu est ultra difficile et il y a tous les ennemis qui ressortent de terre, il y a des démons. Et donc c'était cet héritage-là qui devait se faire en 3D. Et puis, donc la version d'origine était comme ça, hein, un peu prototype, où il y a un high score. Quand tu marches sur une arme, comme sur Ghosts and Goblins, tu changes d'arme et tu la gardes jusqu'à ce que tu en trouves une autre. Chaque zombie que tu tues t'apporte des points et tu commences dans un cimetière. Et puis ça évolue petit à petit, au fur et à mesure, pour avoir son identité propre et se rapprocher plus d'un film à la Tim Burton et un jeu plus action-aventure avec vraiment un univers, t'en parlais tout à l'heure, un univers à part entière pour proposer un peu de plateforme, un peu d'action, beaucoup d'aventures et révéler cette belle aventure qu'est Medieval. Donc, on le disait tout à l'heure, Sir Daniel Fortesque, il lance l'assaut face au méchant sorcier Zarok, première salve de flèche, boum, c'est pour lui dans son œil, il crève, merci, au revoir. C'est aussi... C'est un grand héros. Voilà, c'est aussi la création d'une légende, et il y a aussi des trucs qui sont... C'est avec le temps, on s'invente des trucs et on croit que c'est vrai, bah là, voilà, ça s'est passé comme ça. Le syndrome Mandela. Exactement, puisque on se souvient de trucs collectivement et qui ne sont jamais passés, jamais déroulés. Et donc, Sir Daniel Fortesque, 100 ans après... peut avoir sa seconde chance, comme dirait Samy la série, avoir donc sa rédemption, remettre un petit peu le pied à l'étrier, puisque Zarok sort son grimoire et lance un sort où il envoûte tous les vivants et il fait ressusciter tous les morts, et tout le monde est à sa pointe, sauf Sir Daniel Fortesque qui va être pratiquement seul, puisque tous les autres qui étaient avec lui sont cristallisés, fossilisés en statue, dans ce qu'on appelle le Hall des Héros. Et c'est un niveau qui va pouvoir... qui a son importance dans le déroulé du jeu. Donc, on commence comme ça, il y a 20 niveaux, ce qui est assez long quand même, et on a plein d'univers différents. On commence bien sûr, comme on disait tout à l'heure, l'hommage Le Cimetière, qui fait un gros pan du jeu. Ensuite, il y a le Champ d'Épouvantail, il y a des potirons maudits, il y a des potirons maudits. Tu te rends compte ? Il te crache à la tronche. J'ai entendu un son, un accent québécois quand tu l'as dit. Ah, des potirons maudits. Un potiron maudit. Le seul personnage qui soit physiquement modélisé et qui nous aide, c'est la grande faucheuse. C'est la mort. Ouais. Qui vient en fait... troquer son métier d'origine, puisque comme les morts revivent, juste pour être en tant que passeur, et pas au lieu de l'au-delà, non, passeur avec une barque, et tu vas dans un lac, tu vas dans l'autre zone. C'est, donc il y a beaucoup de créatures et de personnages, limite un niveau, un personnage différent avec des dialogues, évidemment on est sur PlayStation, donc on a une bande-son exceptionnelle avec Andrew Barnabas et Paul Arnold. Le duo, c'est Bob and Barn, qui ont fait une bande-son très Danny Elfman, hein, ce qui est logique. Oui, on est très dans l'ambiance Tim Burton. Ouais. On aura le petit aperçu orchestral. Ce qui est marrant, c'est là où on voit que c'est mon jeu préféré, parce qu'il n'est pas exempt de défauts. La caméra n'est pas la plus idéale, et la jouabilité est un peu char d'assaut. Pas autant... immobile que dans la toute première version, mais c'est vrai que il faut prendre en compte ça, parce que lors des phases de plateforme, par exemple, où on appuie sur la touche cercle, ce qui n'est pas forcément le plus adapté non plus, mais on peut se casser un peu les dents, et on se dit, mais pourquoi c'est pas Mario ? Bah, c'est pas Mario, c'est Sir Daniel Fortesque. C'est très inhérent à tous les jeux de la PlayStation, de la Nintendo 64 et de la Saturn. C'est-à-dire c'est des jeux 3D qui commençaient, tu vois, on sentait que ça commençait tout doucement, le balbutiement, et même Medieval en fait les frais. Pourtant, on est en 98, tu vois, il y a déjà des jeux qui sont passés... qui sont passés avant. On a eu Crash Bandicoot, on a eu, même sur Nintendo 64, on a eu Mario, tu vois. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi de la jouabilité et de l'univers. C'est-à-dire que tu sais que tu vas pas atteindre la falaise qui te pointe le nez devant. Non, il va falloir passer par un chemin, tu vas pas te casser les dents à sauter. Mais pour les phases, entre guillemets, de plateforme imposée, bah tu sais qu'il va falloir vraiment te concentrer et avoir ta petite perle de sueur qui naît sur le front, et tu fais « Ah oui, d'accord, là va falloir sauter. » Donc je disais que c'était assez rigolo, parce qu'en fait, quand t'en parles, puis bon, j'avais vu, t'avais fait un live sur ta chaîne sur le jeu, j'avais regardé quand j'étais rentré du travail, et j'avais les souvenirs, quand j'ai eu la PSP, de l'avoir fait. Enfin, pas de l'avoir fait, non, de l'avoir lancé. La version d'origine ou la version PSP Eh ben je sais plus. C'est là où le bas blesse, c'est que je m'en rappelle plus. Je me souviens d'avoir fait une des deux versions. Okay. Et je sais plus si c'est la version d'origine, parce que je crois qu'elle a été sortie typée PS1, c'est ça, hein. Oui, c'est pas compliqué. Si on te parle de la culotte de Britney Spears, c'est la version de PSP. Ah ouais, mais je m'en souviens pas. C'est un souvenir très lointain, parce que 2006, ouais, c'est en 2006 qu'il est sorti, non, c'est ça Version PSP 2005, ouais. 2005, dans ses alentours, 2006, ouais. Donc du coup, ça remonte à bien trop longtemps, c'est assez rigolo, j'ai pas trop de souvenirs, en plus des jeux de PSP que j'avais, mais pourtant, Medieval, je suis sûr de l'avoir testé. Oui. Bon, c'est toujours, en fait, c'est le charme de l'univers, là, encore une fois. Ah oui, là, y a énormément de choses, et ce qui est bien dans ce jeu, c'est que ça fourmille, mais pas que dans les détails, vraiment dans les mécanismes du jeu, parce que, hormis ce mélange hybride entre, comme je disais... t'as des niveaux où tu vas taper tout le monde, oui. comme ce qui était prévu à l'origine. T'as des phases de plateforme qui te donnent du fil à retordre parce que la jouabilité est imposée comme ça. Il y a des phases d'action, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup d'aventures. Tu prends l'inventaire, déjà quand tu commences le jeu, t'as pas d'arme. Sauf que, étant donné que c'est un squelette, il va se démonter le bras, s'arracher le bras gauche pour s'en servir comme massue. Pour frapper. Bon, alors c'est vachement inventif, parce que tu peux t'en servir comme arme de poing, vraiment à taper, ou arme de jet. Et là, tu commences déjà à choper tous les mécanismes du jeu et de voir que, ah oui, si rien qu'en commençant Tu peux te servir de ton bras comme arme. Je ne lis pas le nombre de ton inventaire, il a plusieurs pages à chaque fois. C'est sur la touche select et tu as des épées, tu as des arcs, tu as des trucs magiques. Parce qu'on est dans le Moyen-Âge, donc c'est ouais, médiéval. C'est le nom est là, on est sur un côté médiéval, mais avec un côté maléfique. C'est ce mélange-là et tu peux avoir, par exemple, une armure de dragon qui t'immunise du feu, mais qui te permet de cracher du feu illimité aussi. Ouais. Tu as des armures, tu as des boucliers, tu as aussi un système de jeu de rôle où tu peux avoir des munitions en échange d'argent. Tu peux gérer aussi ton armure, ton bouclier, faire réparer des choses. T'as pas mal de notions qui sont mélangées, mais qui sont cohérentes. Et ça, c'est très important. Et au fur et à mesure du jeu, dans chaque niveau, tu as ce qu'on appelle un calice. Calice des âmes. Calice. Calice. Calice. On y revient. Pourquoi j'y pense directement? Je sais pas. C'est pas possible quand même. Je sais pas, c'est possible. Et dans ton corps lisse, en fait, tu as un pourcentage où il faut tuer beaucoup d'ennemis dans le niveau. Pratiquement tous. Et une fois que tu as le 100% d'âme pour lequel il faut revenir le chercher ou le trouver, parce qu'il y a certains niveaux où il est complètement planqué. Et une fois que tu l'as et que tu finis le niveau avec ce corps lisse rempli, tu as accès justement au hall des héros, ce qu'on disait tout à l'heure, là où tout le monde est en statut. Et en fait, comme ils sont démunis, bah, ils te donnent leurs armes. D'accord. Donc tu peux avoir une arbalète, un arc magique, de la foudre, des fioles de vie, des choses comme ça. Et ça va te permettre aussi de faire le jeu différemment. Parce qu'en fonction des boss, en fonction des ennemis, tu testes ce qui est la meilleure stratégie. Est-ce que là, le duo de chauve-souris qui est en train de m'envoyer des boules de feu... Est-ce qu'elles sont sensibles au feu? Est-ce qu'elles sont plus sensibles à des poignards? Est-ce que je peux les attaquer au corps à corps? Est-ce que je peux envoyer ma hache et boomerang? Est-ce qu'il vaut mieux recharger le pouvoir magique du marteau qui permet de faire un dôme empoisonné? Est-ce que, tu vois, toutes ces choses-là, elles viennent s'imbriquer et ça fait partie aussi de la progression du jeu parce que sur la map monde de Gallomer, tu as différents choix, tu as différents chemins. Et en fonction de celui que tu empruntes, bah, des fois tu peux... finir un niveau sans avoir absolument rien fait. Ah. Parce que il te manque l'objet que tu peux avoir dans le niveau, non pas sur le niveau d'après, mais un des autres chemins que tu as sur la map monde. C'est-à-dire que si ça se divise en trois, la terre enchantée, tu peux rien faire parce qu'il te manque un truc. Ok, alors je vais dans le chemin 2, où il y a le village endormi. Ok, le village endormi, mais là je peux pas tuer les ennemis. Ok, alors je reviens sur le chemin 3, avec le champ d'épouvantail. Ah oui, alors je peux libérer ça. Ok, donc... Ah mais non, mais attends, mais il me manque le talisman de la sorcière pour invoquer... Alors attends, je reviens dans le deuxième niveau. Ok, je chope là. J'avais pas vu ce chemin-là qui était bloqué parce que je n'avais pas la massue pour... défoncer le rocher. Et tu vois, c'est plein d'enchevêtrements comme ça de chemins qui te font prendre conscience vraiment de l'univers étendu qu'est Gallomer et de tout ce qui est possible de faire dans le jeu. Et ça, c'est super parce que t'as beaucoup de bouquins au sein même du jeu pour en apprendre le plus possible sur vraiment l'univers qui est très très vaste. Et ça peut aller jusqu'à des légendes qui sont encore débattues sur des forums obscurs sur le net, sur une texture qui est sur une dalle dans une fin de niveau, et on se dit peut-être que ça peut débloquer certaines choses. Tout simple, hein, quand tu arrives au tout premier niveau, t'es dans ta crypte, tranquille, tu récupères ton bras, tu récupères le premier bouclier, ta première arme, épée, poignard, tranquille, tu vois un peu les mécanismes, et tu te dis que je ne vais jamais plus rien faire dans ce niveau. Sauf que si tu observes bien, il y a une parcelle, une portion de mur qui a une texture différente. C'est un peu comme dans Zelda. Oui, bien sûr, ouais. Et en fait, il faut attendre soit le troisième niveau pour avoir une arme, donc la massue, pour casser ce mur, ou soit attendre le cinquième ou sixième niveau pour avoir un super pouvoir qui te permet de justement défoncer ces murs. Donc tu reviens au tout début du niveau, et là, t'as un trésor et t'as une vie en plus. Et quand t'as chopé ça, tu fais une fois le jeu, D'accord, mais tu comprends au fur et à mesure les différentes étapes de difficulté qui augmentent au fur et à mesure, et c'est génial, quoi, parce que tout est pensé. Ouais, ça, il y a une sorte de génie du level design. Ah ouais, ouais, complètement. Qui fait que le jeu garde ses secrets et les lâche vraiment au compte-gouttes, en fait. Ouais, c'est pour ça que je tiens à dire à chaque fois, il n'est pas exempt de défauts, mais si tu fais avec, si tu acceptes cette jouabilité et tu acceptes ces caprices de caméra qui peuvent apparaître au plus mauvais moment, évidemment, et ben tout ça, toute cette richesse, cette direction artistique, ce game design et puis cette ambiance, quoi, ça va être décuplé, le plaisir va être décuplé, plus t'avances, plus tu prends ton pied, quoi. Oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment le jeu qui te permet de découvrir un univers là où c'est, ben, on revient toujours au même principe d'univers qui est très riche et qui lâche ses secrets au fur et à mesure, quoi. Et donc tu disais par rapport à Fez que ça a une cohérence, mais les niveaux sont quand même assez différents, enfin on change quand même de décor. Ouais. Là c'est un peu pareil, puisque comme je disais, le champ d'épouvantail, après t'es sur un bateau pirate qui s'appelle le vaisseau fantôme. Donc t'es encore dans une autre décor. À un moment donné, tu es sur un château fort en ruine. On est vraiment sur des thèmes d'Halloween, de l'horreur, bien sûr. Enfin, de l'horreur parodique, je veux dire. Vraiment, ils auraient pas mieux trouvé comme... Il y a beaucoup d'humour, quoi. Il y a beaucoup d'humour, mais tu sais, il est un peu pince sans rire. Ah. Contrairement au remake qui a été fait sur PSP, où là, c'est vraiment, comme je parlais de la culotte de Britney Spears, mais c'est vraiment le dialogue que tu n'as absolument pas dans le premier Medieval. Dans la première, oui. Ouais, ouais, où tu sais, soit c'est humour noir, soit c'est humour... ouais, pince sans rire, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interactions qui te font rire, quoi. Qui te font rire, c'est obligé. Tu apprends au fur et à mesure que le sorcier Zarok, il est là depuis longtemps. Si tu écoutes bien entre les lignes, c'est pour ça que là, on est passé sur le PEGI 18, donc ça va, mais tu sais qu'il a des esclaves animaux pour faire ces choses, d'accord. Le sorcier Zarok, voilà. Mais tu l'apprends entre les lignes, hein, bien sûr. Mais tu sais que ouais, bah ouais, bah, PEGI 12, hein. Ouais, ouais. PEGI 12. Et cette intrigue, enfin le fait d'intriquer vraiment tous les éléments, ça peut se faire aussi au sein d'un seul et même niveau. Je revenais sur le village endormi où tu peux pas tuer les ennemis parce qu'en fait les ennemis ce sont les villageois. Ah, okay. Et les villageois, ils n'ont rien fait de mal. Ils sont juste possédés par l'esprit malin de Zarok. Donc il faut trouver déjà une astuce pour pas se faire mal, pas se faire violenter et ne pas les tuer. Et en plus, au sein du même niveau, il faut créer son objet qui va débloquer la suite du niveau. Et donc pour le créer, t'as un objet par-ci, t'as un objet par-là, t'as une forge par-ci, t'as un soufflet. Enfin, c'est vraiment c'est un casse-tête incroyable, et en plus ça enchaîne sur un niveau à énigmes, puisque le maître du niveau, il est là juste pour te poser des énigmes et des casse-têtes. Donc en plus des ennemis, en plus de la difficulté, t'as le cerveau qui boue à fond. C'est le cerveau qui... c'est ça. Ouais. Et t'enchaînes... C'est... Le jeu a vraiment son univers propre à lui, c'est ah ouais, il a son charme. Ouais. C'est son gameplay, son level design très très perso... C'est pour ça que c'est un bonheur. Alors, ils ont sorti pour les 20 ans, voire plus. Un remake HD, c'est ça ? Sur PS4, ils ont sorti le remake. Ouais. Qui est très fidèle, vraiment, au jeu de base. Donc, graphiquement, évidemment, c'est rehaussé. Il y a 3 générations de plus, ça c'est clair. Ils ont un petit peu amélioré les contrôles dans le sens où c'est un peu plus intuitif. Je m'explique, tu sautes avec croix déjà, la touche qui est en bas. La touche c'est la plus logique, quoi. C'est le bouton A de la NES, quoi. C'est tu sautes avec ça. Mais c'était pas lié au fait qu'au Japon, ils avaient une tendance à inverser aussi, non Eh ben, figure-toi qu'au Japon, la version médiévale, ouais. Eh ben, c'était inversé. C'est-à-dire, tu sautais avec croix, le bon bouton. Donc là, c'est pourtant. Ah, ça, c'est bien ça. C'est un jeu qui a été fait en Europe, quoi, en Angleterre. Donc, Parce que souvent, c'est ce qui se passe sur la PlayStation, dans ces jeux PS1, PS2, c'était souvent que ouais. Cercle et croix étaient inversés, quoi. Tout à fait. Non, mais souvenirs, hein. Et là, ils ont inversé, ils ont mis dans le bon sens. C'est marrant. Et par exemple, le bouclier était sur le même axe, c'est-à-dire ce triangle. Et sauf que si tu veux mettre le bouclier, taper avec croix et esquiver en sautant avec la touche cercle, c'est le même pouce qui fait les trois actions. Donc là, sur le remake, ils ont fait sauter avec la touche croix, et L1, donc c'est vraiment une gâchette, c'est une autre main qui permet d'activer le bouclier, ça c'est quand même bien mieux. R1 toujours pour cibler à distance, puisque comme on disait, il y avait les armes à distance. Et donc le remake est très sympa. Le truc, j'y reviens, c'est qu'ils ont aussi gardé les mêmes défauts. Ah ouais. Donc tu as une jouabilité qui a plus de 20 ans, tu as des caméras qui sont capricieuses également. Si tu fais l'impasse là-dessus, tu vas pas apprécier du tout. D'accord. Du tout, ce qui est logique. Et ils ont rajouté quelques petits mini-jeux dans chaque niveau qui prennent un petit détail d'un niveau, d'un décor, pour agrémenter un petit peu plus. C'est pas beaucoup plus long, mais je trouve le clin d'œil très sympa. Les voix ont été gardées, celles d'origine, puisque comme on était sur un support CD, il n'y a pas de perte de qualité, donc ça c'est bien d'avoir gardé les doublages. Et le petit bonus, quand tu finis le jeu à 100%, tu débloques le Medieval de 98. Et ça, ah ouais, c'est un bonheur. Les musiques ont été toutes réenregistrées, donc la majeure partie est repompée de la version PSP, où les musiques avaient été réorchestrées avec un orchestre philharmonique par les mêmes compositeurs, et ce qui manquait a été, je pense, synthétisé avec des sons, tu vois. Et il y a un charme qui est enlevé par rapport aux musiques d'origine, parce que la musique d'origine de Medieval, elle est somptueuse, et j'ai hésité entre deux musiques. Il y a une musique emblématique de Medieval qui s'appelle le Mausolée. Le Mausolée. Et en fait, tu entres dans le Mausolée, c'est magnifique, il y a des jeux de lumière, les vitraux, un cadrage vraiment cinématographique, et là, il y a un orgue, c'est la première fois qu'on entend un orgue, il y a un orgue qui entre en scène, et t'es tout de suite pris. Et ce qui est marrant, c'est que dans le scénario du jeu, l'orgue, il est joué dans le niveau, c'est-à-dire qu'il y a un orgue qui est modélisé. Et en fait, tu dois aller apporter une partition à celui qui, à l'organiste, qui est en fait condamné depuis sa mort, c'est pas jusqu'à sa mort, c'est depuis sa mort, à jouer toujours la même chose. Et pour le libérer, il faut changer la partition. D'accord. Ah ouais, donc la musique est aussi dans l'univers intrinsèque. Cette musique-là, pour ce niveau, absolument. Tu me fais penser, il y a un niveau sur la fin qui s'appelle le chronographe, et dans la musique, c'est en ternaire. Et c'est le tempo 60 par seconde, c'est vraiment le tempo d'une montre, quoi, d'une horloge. D'accord. Donc, tu vois, la musique est quand même très, très liée. Ouais, il y a une dimension dedans qui est liée au gameplay, parfois. Ouais, et pour le mausolée, donc cet orgue change de mélodie quand tu apportes la partition, parce que c'est pas un objectif principal. C'est ça qui est trop drôle. Et donc, quand tu changes la partition, il change de musique, l'orgue fait autre chose pour la suite du niveau, et tu as libéré son âme. Donc ça, c'est une musique qui est emblématique du jeu, parce qu'en plus, elle arrive à la fin de la démo pour les quelques personnes qui ont joué qu'à la démo, et assez tôt dans le jeu. Mais non, moi, j'ai choisi la musique du niveau d'après. C'est pas la musique du cimetière que tout le monde a entendu quand on a commencé Medieval, c'est Retour au cimetière, toute la partie orchestrale, les chœurs, c'est la version DX. Thank you. Eh ben, ça va être le dernier jeu de ce premier podcast. Et c'est le tien. Et c'est le mien. Et c'est ton numéro 1. Et c'est mon numéro 1, oui. Et c'est mon numéro 1 jeu GameCube. C'est F-Zero GX, jeu sorti sur... Je suis surpris. Ah ouais, bizarrement, hein. Jeu sorti sur Nintendo GameCube en 2003. Dernier F-Zero GX sorti sur console, tout simplement. Donc développé par Amusement Vision, donc un studio qui était possédé par Sega. Et édité par Nintendo, donc F-Zero GX, c'est le tout premier que j'ai eu. Alors je vais te raconter une anecdote. Vas-y. Moi, à mon tour de te raconter, oui. de faire Pernex Luad. Non, je vais te raconter une anecdote, c'est tout simplement très simple. Alors c'était Noël, donc c'est Noël 2003. Mm-hmm. Donc 25 décembre 2003, il y a sous le sapin, je suis à Grenoble, et il y a sous le sapin des cadeaux pour moi. Ouais. Et il y a donc une GameCube. Mmh. Je déballe la GameCube et je déballe deux jeux qui sont Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch. Oui. Parce qu'on était dans la, c'était l'époque, ouais. dans la mouvance Harry Potter et F-Zero GX. Très bon choix. On a joué au début Harry Potter parce qu'on ouais. est comme ça. Puis après, on a très vite, très vite allé sur F-Zero GX où j'ai complètement vrillé et je me suis dit, mais ce jeu est fabuleux. Et ça, ça ne vous peut pas, le jeu est complètement fabuleux, c'est un des meilleurs jeux jamais sortis. Shigeru Miyamoto l'a dit, d'ailleurs, il a dit, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne savent pas pourquoi en faire, parce qu'ils sont dans le même syndrome que Super Metroid, dans le sens où ils ne savent pas, enfin c'est ce que lui a dit en tout cas, hein, ils ne savent pas comment l'améliorer. Ah ouais. Car F-Zero GX, c'est l'union de deux mondes, c'est-à-dire que ce jeu-là, 5 ans avant, on n'y pensait pas, dans le sens où c'est Sega qui l'a réalisé. Oui. Et que c'est édité par Nintendo, donc on est vraiment sur deux mondes qui ont fusionné. Ah ouais, là. Et c'est là où c'est fort en fait, parce que le jeu est vraiment très bon. Là où ça l'est moins, c'est qu'il s'est pas très bien vendu. Ah ouais. C'est pour ça que ça fait partie des F-Zero qui s'est le moins bien vendu. Ah mince. Et donc du coup, je pense, enfin c'est pas je pense, hein, je suis quasi sûr hein, d'ailleurs, hein, mais que c'est ça qui a tué la série. D'accord. Mais ça reste, c'est pas parce que c'est un jeu qui s'est pas vendu que c'est un jeu qui n'est pas excellentissime. Pour plusieurs raisons. Alors bon, F-Zero GX, c'est quoi le principe? C'est tout simplement des vaisseaux, souvent personnalisés via un pilote qui est souvent assez charismatique d'ailleurs. Et qui va faire des courses dans des circuits plus ou moins tortueux, à des vitesses plus ou moins grandes. C'est-à-dire que ce n'est pas du 100 km/h, mais on est plus sur du 1000. On est plus sur du 1000 km/h. D'ailleurs, petite anecdote, et peut-être qu'il y en a qui vont l'apprendre également, j'ai mis très longtemps à comprendre le nom du jeu. F-Zero, en fait, ça va plus vite que la F1. C'est ça. Voilà, c'était la petite anecdote. C'était vraiment ça. Et on est vraiment après, bon là le F-Zero GX c'est très complet dans le sens où l'on peut faire pas mal de choses. Alors il y a les modes qui sont classiques, je vais vous dire les modes en vitesse hein, parce que c'est assez classique. Quand on arrive sur l'introduction du jeu, on a le choix entre plusieurs modes qui sont plus des écrans en fait que l'on choisit à l'entrée, à l'intro du mode. Alors, donc on a le Grand Prix, avec plusieurs nombres de difficultés, il y a plusieurs Grands Prix en tout, il y en a... 5 dans mes souvenirs avec 5 courses par coupe, c'est ça, ouais. Donc il y a 5 coupes au total avec 5 courses par coupe. Et donc du coup avec des difficultés plus ou moins grandes. Après on a le versus battle, on peut faire des courses jusqu'à 4 joueurs. Alors on peut remplacer les joueurs par des ordi, mais bon, c'est le but du multijoueur local ici. On a le time attack qui permet de faire des chronomètres sur les circuits du jeu, on a le practice, donc qui vous permet de vous entraîner. On a le story, ce qui est d'ailleurs une nouveauté, c'est-à-dire qu'on a des missions qui racontent l'histoire, assez courte certes, mais du Captain Falcon, donc ce qui est assez important. Là, on en a vraiment du lore, hein. C'est-à-dire que là, on n'a pas eu de lore avant le F-Zero Super Nintendo, où on avait une histoire de comics, on avait un petit début de comics dans la notice. Ah. Et ici, on arrive sur sur une courte histoire. Alors, il y a 9 missions. Alors, c'est que 9 missions, mais c'est ultra difficile de finir une mission déjà. C'est très très compliqué. Le jeu est d'ailleurs réputé pour être très difficile. Alors, on a le replay si vous avez sauvegardé des courses, et on a le customize qui vous permet de modifier vos propres véhicules. Vous créez votre propre véhicule avec des pièces que vous avez débloquées et achetées dans les modes Grand Prix History. Je vais en revenir plus tard parce qu'il y a une sorte d'économie dans le jeu d'ailleurs. Et donc du coup, ça vous permet de créer votre propre vaisseau avec ses attributs qui vont être par exemple la vitesse, le dérapage, le boost, etc. Et vous permettre aussi de créer votre emblème tout simplement, où vous avez un emblème personnalisé que vous pourrez apposer sur le vaisseau, etc. etc. Et ce vaisseau-là, vous pouvez le mettre dans une carte mémoire GameCube, aller vous le transporter dans une autre GameCube avec votre pote et jouer F-0GX avec votre propre vaisseau, voire même F-0 AX, mais ça, c'est encore autre chose. On en parlera après. Ça va être long. Hein. Ah oui, non, c'est de l'amour. Donc du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a une sorte d'économie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous gagnez un grand prix, vous gagnez des tickets. Et ces tickets vont vous permettre d'acheter des niveaux, donc des missions dans le story mode, ou des pièces de vaisseau pour permettre de créer le vaisseau de vos rêves, tout simplement. Et donc du coup, y a ce truc de je vais choisir d'acheter, etc. Dans la boutique, c'est très très minimaliste, hein, on est bien d'accord, mais ça reste présent et c'est différent par rapport à F0X ou les F0 avant. Donc du coup, en plus, on est sur une version améliorée de F0X, c'est-à-dire qu'en fait, dans les F0, c'est divisé en deux branches. Il y a les F0 classiques qui sont sur les F0 SNES et F0 GBA, et on a les F0 X, on va dire ça comme ça, avec F0X et GX, qui ont des fonctionnalités différentes. La principale se retrouve en course d'ailleurs, je vais en parler en vitesse de la course. La course est en 3 tours généralement, vous pouvez en rajouter plus si vous voulez dans les versus. Et vous avez une jauge qui sera votre santé du vaisseau, mais aussi votre boost. Le boost, il se déclenche au 2e tour. Quand vous utilisez le boost via une touche, je pense que c'est Y dans mes souvenirs, ou X, ça dépend, ça va vous permettre d'avoir un regain de vitesse, mais ça va utiliser la vie de votre vaisseau. Et si votre vie est à 0, c'est game over, vous ne finissez pas la course. Et en mode Grand Prix, vous avez une réserve de vaisseau qui diminue, et donc à la fin, vous perdez le Grand Prix complètement. Donc c'est assez important à gérer. Cette barre peut être régénérée dans certaines zones qui sont roses, mauves, qui vous permettent donc en passant dedans de récupérer de la vie, de la santé du vaisseau, on va dire ça comme ça. Et vous avez aussi des boosts classiques qui vous permettent d'accélérer, mais sans utilisation de votre boost, de votre vie de vaisseau. Mais il n'y a pas que ça qui vous use de la vie de vaisseau, c'est-à-dire que si vous avez une collision, il y aura des dégâts. Si vous percutez un mur, il y aura des dégâts. Si vous percutez des mines, parce qu'il y a des mines, vous aurez bien sûr des dégâts. Au niveau des terrains, vous avez plusieurs sortes de terrains, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des endroits où il y a de la terre, et même si les vaisseaux n'ont pas de roues à proprement parler, non, pas roues du tout même, mais ils vont ralentir là-dessus. Sur certaines zones un peu brillantes, bleu ciel, vous allez glisser. Et puis vous avez des circuits qui font toujours un peu fi de la gravité, mais vous avez des circuits en mode pipe, c'est-à-dire c'est des grands tuyaux, et en mode, je veux dire, normal, où c'est une course avec une route assez plane, on va dire. Je pense que j'ai dit pas mal. Est-ce que j'oublie quelque chose, mon cher Yono? C'est ultra complet, quoi. C'est ultra complet comme le jeu. Je pense que j'ai dit pas mal. Oui, c'est ça. Après, votre vaisseau, vous pouvez le customiser, c'est-à-dire vous pouvez qu'il soit plus efficace en accélération ou en vitesse. Il y a plein de paramètres qui font que c'est votre façon de jouer qui va être le plus important. Ça reste un jeu ultra difficile. Il faut savoir apprivoiser le vaisseau, apprivoiser les courses. Les courses sont très tortueuses, il y a beaucoup de pièges. C'est assez compliqué. Il y a des raccourcis aussi. Il y a des raccourcis un peu moins que dans un Mario Kart par exemple, mais il y en a. Mais oui, en effet, il y a des moyens de cutter, etc. Dans les speedruns, par exemple, on les voit couper des pans entiers de circuit. Et je pense que j'ai tout dit sur ce jeu, ce F-Zero GX. Le jeu a été noté donc 9 sur 10 sur Gamekult. 9 sur 10, hein, Gamekult. Hein. Ouais. Et 18 sur 20 sur jeuxvideo.com, avec un score de Metacritic de 89 sur 100. Donc vraiment un bon jeu, etc., etc. C'est clair. Mais les ventes n'ont pas été à la hauteur, et donc du coup ça a malheureusement fait, je pense, tuer la licence, parce que bon, le jeu, graphiquement parlant, il n'a pas besoin de grand chose pour le remettre sur une console de maintenant. Non, puisque les fois où j'y joue, c'est, je prends Dolphin, ouais, je me le mets en Full HD, 16:9. Et ça passe. Et t'en prends plein les mirettes, quoi. Il manque pas grand-chose, un petit filtre HD, un 16:9 et... Il roule 1000, hein. Et le jeu, il est reparti. Et, allez, un multijoueur en ligne, peut-être. Ouais, ouais. Donc, pour rajouter ça. Et puis après, le jeu, il est réellement reparti. F0GX, juste remasterisé sur Switch. Le jeu, il est reparti... pendant très longtemps. Comme il faut, hein. Il est reparti pour quasi 20 ans, je vais exagérer. Oui, c'est mais j'exagère un petit peu, mais presque pas, en fait. Parce que F0GX va avoir 20 ans dans un an. Il a 19 ans. Et il est encore, mais époustouflant. Il n'a pas réellement de concurrent, même encore maintenant, parce que quand F0GX est mort, il y a eu les des Fast RMX, etc., Fast Racing Neo, etc., ou les Redoutes, des jeux qui ont essayé de surfer sur cette vague-là, mais il n'a jamais réellement été égalé. Non. Il y a toujours ces trucs un peu, en plus, très Sega dans ce jeu-là, qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire... l'univers fait très Sega, malgré le fait que ce soit des univers qui ont été créés d'abord par Nintendo. Mais ça fait très Sega. Hein. Takaya Imamura a travaillé sur les premiers F-Zero, donc il surveillait quand même bien le projet. Mais ça fait vraiment très très Sega. On a par exemple, quand on gagne un grand prix, on a une sorte d'interview avec une télévision F-Zero qui vient pour interviewer et tout sonne Sega dans le truc. C'est vraiment un truc, c'est sorti d'une pub Sega. Sega, c'est plus fort que toi. J'ai vraiment cet esprit-là, hein, vraiment cet esprit-là. Et c'est tout simplement grandiose, quoi. C'est-à-dire qu'on a le jeu en fou, plein la tronche. C'est très difficile, c'est-à-dire que les contrôles, il faut vraiment, vraiment les comprendre. C'est au millimètre, hein. Et à côté de ça, quand on avait fait la course où je t'ai rattrapé, justement, c'est justement ça. C'est que, à un moment donné, j'ai fait une erreur d'un millimètre. Et après, j'ai rattrapé parce que j'en ai plus fait. Et que toi, t'en as fait une d'un millimètre. Bien sûr. Et qui m'a permis de doubler. C'est-à-dire que la moindre erreur permet. Ah, c'est du pilotage. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment du pilotage. Ah ouais. C'est vraiment serré. Et puis, ce jeu-là, donc F0GX, a son double sur arcade, donc F0 AX. Où c'est pareil en fait, c'est-à-dire que la moindre erreur de pilotage, eh ben, vu que c'est du temps et que chaque tour est lié à du temps, c'est pas la même vision du jeu que sur GameCube, eh ben, la moindre erreur, eh ben, ça vous met une pièce dans la... vous devez mettre une pièce dans la fente parce que c'est pas possible autrement. C'est un jeu très compliqué, c'est un jeu très très difficile, et d'ailleurs je pense... F-Zero a toujours été un jeu difficile, hein. Toujours de Super Nintendo, Nintendo 64, c'était des jeux qui n'étaient pas faciles. Mais là, ils ont vraiment été dans une difficulté tellement que je pense que ça a dégoûté tout un pan de joueurs. Et parce qu'il fallait vraiment être dans une élite. Par exemple, moi, le solo, je ne l'ai jamais fini. Je suis arrivé très loin. D'accord. Ah ouais. Mais je n'ai jamais fini le solo parce qu'à la fin, je n'y arrivais, mais véritablement pas. Je le dis, hein, c'est pas parce que j'ai pas fini le solo que c'est pas mon jeu préféré, hein, c'est parce que je... Bien sûr, bien sûr. Je le dis, et par exemple, les Grands Prix, j'ai tous fini, mais sur les derniers niveaux de difficulté, C'est trop. J'en chiais, quoi. Ouais. Je crois que le dernier niveau de difficulté, j'ai fait les 2-3 premières coupes, et après, 4-5, je suis pas sûr de les avoir faites. Je vois. Mais il faudrait que je m'en rappelle, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, donc... ça reste un jeu culte, F-Zero, dans l'univers. C'est quand même un jeu qui a fusionné Sega et Nintendo, ce qui était impossible même 3 ans en arrière. Déjà. C'était complètement dingue. Cette prouesse-là, Sega et Nintendo, sur un tel jeu, ramener quand même... parce que ce genre de course futuriste, c'est vraiment F-Zero, quoi. Et l'avoir mis en beauté, avec une belle 3D, des sensations incroyables. Oui. C'est vraiment, on est immergé direct, on est plongé, il y a une adrénaline tout le temps, de chaque instant. Ça peut exploser à n'importe quel moment si on fait pas gaffe. On est focus, les différentes vues qui ramènent d'autres immersions, il y a un dynamisme. Mais c'est pour ça que le GX, version GameCube et la version AX arcade sont très très liés, parce que on est sur cette pugnacité là qui est folle, et il manque juste le petit ventilateur pour avoir les sensations physiques, quoi, parce que elles y sont vraiment manette en main, en 4DX, ouais. En 4GX, c'est vraiment un très grand jeu, quoi. Non, mais en plus, ce que tu dis, c'est ça, c'est que F-Zero AX est sur la galette, c'est à dire que via un action replay, on peut accéder à F-Zero AX assez facilement, en plus. Donc la version d'arcade à la maison, en plus. Oui, c'est ça, la version d'arcade à la maison, mais c'est exactement la même version. Il me semblait pas que tu pouvais mettre aussi la carte mémoire dans la borne d'arcade où j'ai rêvé. Si, c'est ce que je voulais venir, c'est ça. C'est-à-dire que si on a fait notre vaisseau sur GX, eh ben on peut l'utiliser sur la borne d'arcade en utilisant sa propre carte mémoire GameCube sur la borne d'arcade. Le jeu est parfait. Le jeu a ce côté un petit peu cross-plateforme, du coup, parce que pour moi, l'arcade n'est pas... Ah bah non. Dans l'arcade, c'est une sorte de GameCube particulière, on va dire, qui était fait, donc qui s'appelait la Triforce, avec Sega, Namco et Nintendo. Oui. Mais ça reste deux plateformes différentes pour moi, et c'est vrai que le fait d'avoir cette cross à l'époque... Moi, j'y ai joué qu'une seule fois à l'époque, dans le cinéma de notre ville... La bande d'arcade n'est pas restée très longtemps, je me souviens, mais elle y était, et je me souviens de sensations assez dingues, ça je m'en souviens. Ah bah, je veux bien te croire. Maintenant, j'espère un jour la retrouver quelque part, ça c'est sûr. On fera ça. D'ailleurs, ça me fait penser à la Triforce, Nintendo, Sega, Namco, ouais. Avait récidivé après pour sur bande d'arcade avec pour Mario Kart, ouais, qui c'est est ça. Évidemment moins grande sensation, mais il y a Mario Kart sur... sur le bord d'arcade, où justement on retrouve Pac-Man en tant que personnage dans un jeu, voilà, donc... Oh mon dieu, tout est lié. Tout est lié. Tout Pac-Man, est lié. Mario Kart, 8. Absolument tout est lié. Tout est lié. Non, en fait c'est compréhensible parce que le jeu est véritablement parfait au niveau maniabilité, au niveau sensation, etc. Par exemple, le F-Zero X, on lui avait reproché du doigt que les décors étaient un petit peu pauvres en arrière-plan. Là, non, c'est complètement plus le cas. Moi, j'ai des images... à chaque fois, quand je pense à ça, j'ai des images de Power Town. Où l'on, tu vois, justement, la circuit qu'on parlait, justement, où la course va très très haut et on a une sorte de tremplin. Et on vole et on voit ce spatioport en arrière-plan qui on voit plus que ça même d'ailleurs, parce que la course, on décolle au-dessus de la course et du coup on ne voit plus que ça. Et on se dit, waouh. Et quand on arrive par exemple sur Mute City par exemple, ou Big Blue, on a vraiment ces ambiances, des ambiances très différentes où l'on se balade dans ces environnements. Enfin, on n'a pas trop trop le temps de les regarder non plus quand on fait les courses, mais on se concentre. On a vraiment une ambiance très particulière, très variée, c'est-à-dire qu'on sent qu'on est sur plusieurs planètes, plusieurs biomes, et c'est vraiment un jeu niveau graphisme qui détonne à fond. C'est d'ailleurs pour ça que c'est mon jeu préféré, hein, d'ailleurs, c'est parce qu'il y a tout qui est lié. C'est ça la force, c'est qu'il y a tout qui est lié, et j'arrive pas... À part sa difficulté, à trouver réellement de défauts, parce que bon, la difficulté est un vrai frein, ça, il n'y a pas de problème. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, mais c'est un véritable frein, c'est-à-dire que le jeu est extrêmement difficile, mais à côté de ça, c'est un jeu très culte. Même pour un néophyte comme moi, quand t'as la manette en main, si tu te plantes, c'est toi, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça qui est... C'est pas un défaut de contrôle, c'est pas un défaut de mauvaise indication. Tout est limpide et très très bien fichu. Okay. C'est bien fait. En fait, c'est pas de la difficulté méchante. Enfin, peut-être pour le mode story, peut-être que si quand même. Mais dans le mode Grand Prix, pas réellement. Ça l'est pas. C'est pas une méchanceté. Enfin, c'est pas une difficulté méchante. C'est pas injuste, quoi. Mais c'est très très exigeant. Et il faut. En fait, c'est pas avec même avec les vaisseaux de base, c'est compliqué de faire des tops. Et à un moment donné, il va falloir se dire, il faut que je construise mon propre vaisseau qui soit mais véritablement ma façon de faire les courses. Ah oui. Et voilà quoi. Et donc en fait, c'est vraiment une quintessence là aussi, parce que après il va falloir attendre. Ça va être le dernier vraiment en 3D. C'est le dernier en 3D. Le reste, ça sera en mode avec le mode 7 sur Game Boy Advance pour GP Légende et Climax. Mais le reste après, enfin, on est sur une masterclass au niveau jeu. Et j'arrive à comprendre en fait, c'est que Nintendo s'est retrouvé avec un jeu qui était fait à moitié par Sega, enfin même plus que la moitié par Sega, qui a pas fait une grande vente et qui en même temps est un jeu qui est excellent. Ouais. Ils se retrouvent coincés parce que eux, ils se disent mais comment faire. Et d'ailleurs c'est pas nouveau, parce que dans les licences de Nintendo, je crois que c'était Shigeru Miyamoto qui disait que ils cherchaient à récupérer l'essence de leur saga et de plus les laisser à un tiers, comme ils ont fait avec Star Fox, comme ils ont fait avec d'autres comme ça, quoi. Et donc F-Zero GX faire mieux, ça va être compliqué, quoi. Donc c'est ça. Il est clair et net qu'actuellement, moi, ce que j'attends, c'est même pas un nouveau F-Zero, c'est un remake, tout simplement. Et c'est marrant, tout à l'heure, tu parlais des pistes. Ouais. Donc, tu citais Big Blue, Mute City. Bon, là, évidemment, c'est mythique. Il y a les musiques qui me sautent direct dans la tête, quoi. Oui, parce qu'en fait, en plus, les musiques, il faut savoir qu'à l'époque, donc là, c'est un peu d'histoire, mais ça, c'est pas trop, trop lié à SGX. Quand la Super Nintendo sort, Nintendo veut absolument que ce soit une équipe plus jeune qui fasse la bande-son. Enfin, pas que la bande-son, d'ailleurs, le jeu en lui-même. Et donc, on avait une nouvelle équipe qui est arrivée avec Naoto Ishida, avec Yukio, Kaneoka ou même Yumiko Kanki, qui est maintenant assez reconnue en plus dans le milieu, qui ont fait ces musiques-là. Mais en plus, ces musiques-là n'étaient pas prévues pour que ça soit culte. Et donc, du coup, c'est maintenant si. c'est devenu culte. C'est-à-dire qu'à F-Zero, il y a eu des reprises de jazz bien avant la Mario Kart, d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Il y a eu un CD de reprises de jazz, il y a eu des reprises dans tous les sens. Ça fait partie des jeux, des musiques les plus connues du jeu vidéo. Enfin, peut-être pas les plus connues, mais qui sont quand même assez connues, quoi. Et donc, du coup, c'est cultissime. Les musiques sont cultissimes. Carrément. Est-ce que t'as un mot à dire là-dessus ? Parce que tu as joué aussi, il n'y a rien. Oui, c'est toujours... surtout en multi. Oui, en multi, bien sûr. Oui. Surtout. Mais c'est des sensations, c'est toujours... c'est ce jeu-là qui a créé... Enfin, F-Zero, licence, qui a créé le mode de jeu course-poursuite futuriste. Et il a été... il n'a jamais été égalé, quoi. Personne, il n'y a aucun jeu. Il y a plein d'autres jeux qui ont essayé, mais vraiment, t'as le GX, c'est la version ultime du style, parce qu'en plus, il y a la version arcade. Il y a tout un truc, en fait, parce que même dans le GX, il y a des... Alors, j'ai pas les noms précis, j'ai pas tous les noms en tête des pilotes, parce que le vaisseau est lié à son pilote. Donc déjà, c'est différent par rapport à un Wipeout, où le Wipeout, c'est une écurie qu'on suit. Ouais. Par exemple, dans Star Wars épisode 1 Racer, c'est une écurie qu'on suit, ce n'est pas un pilote. Tandis que là, c'est un pilote, ce qui est très lié à l'univers cartoon en plus. Ouais, et c'est pas un véhicule non plus. C'est ça en fait. C'est d'abord le pilote qui est lié à son véhicule. Si on parle de Captain Falcon, on va dire Captain Falcon, c'est le Blue Falcon. Donc, voilà, exactement. Tu vois, par exemple, le Samurai Goro, on sait que c'est le Fire Stingray, tu vois, on les reconnaît. Mmh. Après, il y a aussi le fait que dans F-Zero GX, il y a des hommages, c'est-à-dire, par exemple, il y a un hommage à Star Fox, avec un personnage qui est très fort, qui ressemble un petit peu à Star Fox, j'ai oublié le nom. Il y a aussi des références à d'autres licences de Nintendo, avec Mario, par exemple, ou de Sega. Eh oui. Qui font que, du coup, il y a une pléthore de véhicules à débloquer, et de personnages, du coup, à débloquer. Mmh. Donc, du coup, c'est vraiment un jeu parfait. Voilà. Parfait pour moi, en fait. À part, encore une fois, je vais encore le dire, mais c'est la difficulté qui fait que... qui pourrait pas atteindre la perfection. C'est-à-dire que la difficulté, elle est véritablement infernale. Mais pour le genre du jeu, on peut dire que c'est un jeu parfait, oui. Ah, pour le genre du jeu, ouais, c'est un jeu en parfait, plus. Très exigeant. Si vous gagnez une course en Grand Prix avec niveau max, vous êtes un vrai pilote, en fait. C'est indéniable. De manière objective, le jeu est qualité sur tous les plans, quoi. Ça, c'est quand même très rare. C'est ça, c'est complètement ça. Et alors, au niveau musique, à part les sempiternels classiques, je vais justement éviter de pas les faire. Je pense que du coup, il y en a une en fond qui circule. Je suppose que tu auras mis peut-être Big Blue, Mute City, j'en sais rien. T'inquiète. Et moi, j'appelais Customize parce que c'était la musique qui passait en fond. Customize. Quand vous customisez. Donc, c'était cette musique-là en fond, mais elle a le nom sur l'OST de Feather. et c'est vrai que c'était tout doux comme une plume, hein, comme le nom de la chanson. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre tout premier podcast sur la chaîne Lunexus. On espère que ça vous aura plu. On l'espère de tout cœur. On y a mis tout notre cœur, puisque c'était vraiment les jeux de l'amour. Non, c'était vraiment commencer sur les jeux. Ça va être sur... On va faire pas mal de sujets dans le futur, je pense. Oui. On ne sait pas encore dans quel... comment ça va se passer. Ça va sûrement être sur YouTube. Oui, oui, oui. Puis après, peut-être sur une plateforme d'écoute. En fonction de la durée et des contraintes. Et peut-être Bandcamp. On verra. Bandcamp, je pense que c'est... Il y a une possibilité. Je voulais le dire, mais... je voulais pas le lâcher. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Voilà, c'est ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Absolument. Eh bien, on vous dit... Et on vous dit à matinée pour certains. À la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous. Et puis en plus, c'est vraiment un côté très jazzy. Hein. C'est ce que j'aime beaucoup dans la BO de Mario Kart. Il te rajoute, entre guillemets, des strates sur le dernier tour. Donc c'est trois tours hein, en général, sauf pour le parc Baby, mais bon, ça c'est. C'est particulier, c'est juste un ovale. Attends, mais pause. Je jure, le relis à tout ça. Ça c'est pour le bêtisier, ça. Ça m'a fait mal en plus. Non mais le pire dans tout ça, c'est que j'essaie de me retenir et puis ça fait pire que tout en fait. Je t'ai dit qu'il faut pas. Je le cacherai la prochaine fois parce que... Je t'ai dit il faut. Tu retiens bon coup et c'est bon. Là il m'a surpris, je te jure, j'en pleure tellement il m'a fait mal. Pire qu'un PCR. Putain, tu m'étonnes le bêtisier. Pauvre loulou. Ah. Respire. Ah putain, c'est terrible. Ça me rappelle les séances de théâtre que j'avais. Ah bon ? Et que j'éclatais de rire sur scène. Il va falloir gérer ses émotions. C'est ça. D'accord. C'est ça, ouais. Allez, on peut reprendre. Ok, je parlais du parc Baby. Attends, je peux reprendre. Donc, on s'écoute Yoshi Circuit sur Mario Kart 8 Deluxe. Putain, ça va aller pour le rush. Oh bah oui, écoute. Allez, moi je coupe pas l'enregistrement, là t'as du brut, hein. Je te donne le brut de décoffrage. Brut. Bon, je vais faire une petite... Je vais te lancer. Je vais te lancer. Non, je vais me lancer moi-même. Yep. Allez, un petit peu de... Tu sens que j'ai beaucoup écouté de 2 minutes du pub récemment. Oui. Ça s'entend. On va s'écouter. Donc oui, c'est le... Je pense que je vais mettre une partie. C'est une partie de un niveau quoi. Oui, non, t'as raison, ouais, tu fais une partie, de toute façon... Mais juste après, tu sais, la musique d'intro... Je vais clairement te dire, tu prends un... Non, mais c'est une excuse pour que je joue encore, tu vois, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, parce que tu veux prendre un truc sur un let's play sur YouTube, ça va vite, hein. Mais tu sais, dès que j'ai un quart d'heure... Ouais, tu te mets un Pac-Man. Ah ouais, c'est... Parce que figure-toi que c'est Elena Noguera qui a chanté les chansons... De Fly Me to the Moon, ouais... Qui a chanté les chansons de Bayonetta. Incroyable. Mais elle a juste chanté Fly Me to the Moon à la toute fin. Je savais pas que c'était elle, quoi. Ah, moi je le savais parce que c'est marqué dans les crédits, et vu que j'ai laissé passer les crédits, je l'ai vu passer. Énorme. Est-ce que l'existence de Medieval implique l'existence de Medievillage? Eh bien, je dirais... On va supprimer ce podcast, ça y est, c'est fait. Même Médiébourg, Médié-Lieu-dit. Avec un Médié-Bourgmestre. Médié-Capital, Médié-Mégalopole. Médié-Méga... Et j'ai pas fait d'intro, en fait, pour annoncer ça. J'ai un tilté. On écoute la musique et je balance ça, c'est nul.